Bonsoir à toutes et à tous. Merci à toutes et à tous d'être venus ce soir pour cette nouvelle séance de notre cycle Voix de Femmes, donc avec nos camarades de l'Odéon, du Théâtre de l'Europe et puis de France Culture. Je suis particulièrement heureux d'accueillir Amélie Nothomb ce soir pour au moins deux raisons. La première, évidemment, c'est parce que Amélie, vous êtes une des grandes voix de femmes, une des grandes voix féminines de la scène littéraire française. Et puis il y a une autre raison qui relève à la fois du compagnonnage et de la fidélité, c'est qu'il y a quelques années, en 2011, donc maintenant ça va faire 4 ans, c'était en septembre 2011, quand il s'est agi de relancer le monde des livres, en tout cas de créer une nouvelle formule du monde des livres, à ce moment-là, vous nous avez rejoint, vous avez accepté, je crois, pour la première fois d'être chroniqueuse dans la presse. Vous avez tenu une chronique pendant un an dans les colonnes donc du monde des livres. Et on vous en remercie beaucoup. Je crois que nos lecteurs se souviennent tous de la finesse de votre regard, de votre générosité aussi de lectrice. Et avant de donner la parole donc à Mira Kazar, je voudrais, Amélie, si vous voulez bien, que vous nous présentiez ce texte Pétronille qui a été publié donc par votre éditeur auquel vous êtes si fidèle, Albin Michel, donc l'année dernière, en 2014. Merci beaucoup, Jean. Pétronille, eh bien, c'est un roman écrit à la première personne. Il est question d'une certaine Amélie Nothomb. Personne ne sait exactement qui c'est. Qui débarque à Paris fin 97, parvient à s'acheter un appartement dans cette belle ville et ne connaît personne et comprend vite que la chose importante qu'elle est venue faire à Paris, c'est de boire du champagne. Mais le champagne, ça ne se boit pas seul et ça ne se boit pas avec n'importe qui. Donc ça va être le fil rouge du roman, avec qui boire du champagne à Paris. Donc l'aventurière se lance dans toutes sortes de pistes humaines et finit par trouver la compagne de beuverie idéale, la convine idéale, en la personne d'une certaine Pétronille, qui est une jeune fille parisienne délurée. C'est un peu une rencontre avec une indigène. Moi, je suis belge, les Français, à la base, je ne les connais pas. D'ailleurs, je ne les connais toujours pas. Mais on peut dire que Pétronille est un peu la première indigène française que je rencontre et que j'essaie d'identifier. C'est Zazie dans le métro. À la fois, elle sait très, très bien boire. Très vite, elle se révèle être romancière, elle aussi. Donc, ça va être l'histoire d'une amitié, d'un compagnonnage sous le signe du champagne. Et bien sûr, comme c'est un de mes romans, ça va très mal finir. Voilà, je vous vois saliver les unes et les autres. Ben, vous avez raison. Place maintenant au texte, place à Pétronille et place à la grande actrice Amira Kazar, que nous remercions mille fois d'avoir accepté notre invitation. Et je vous demande de l'applaudir évidemment très fort pour l'accueillir. Merci, à tout à l'heure. Pétronille. J'étais une romancière de 30 ans qui débarquait à Paris. Les libraires m'invitaient à dédicacer chez eux. Je ne refusais jamais. Les gens affluaient pour me voir. Je les accueillais avec le sourire. « Elle est gentille », disait-on. En vérité, je pratiquais une chasse passive. Proie des curieux, je les regardais tous en me demandant ce que chacun vaudrait comme compagnon de beuverie. Prédation combien hasardeuse, car enfin, à quel signe détecte-t-on un tel individu? Déjà, le mot « compagnon » n'allait pas, qui a pour étymologie le partage du pain. Il me fallait un convignon ou une convigne. Certains libraires avaient l'heureuse initiative de me servir du vin, parfois même du champagne, ce qui me permettait de jauger dans l'œil des gens l'étincelle du désir. J'aimais que l'on ait pour mon verre un regard de convoitise, pourvu qu'il ne fût pas trop appuyé. L'exercice de la dédicace repose sur une ambiguïté fondamentale. Personne ne sait ce que l'autre veut. Combien de journalistes m'ont-ils posé cette question? Qu'attendez-vous de ce genre de rencontre? À mon sens, l'interrogation est encore plus pertinente pour la partie adverse. À part les rares fétichistes pour qui la signature de l'auteur compte réellement, que viennent chercher les amateurs d'autographes? Pour ma part, j'éprouve une curiosité profonde envers ceux qui viennent me voir. J'essaie de savoir qui ils sont et ce qu'ils veulent. Ce point n'aura jamais fini de me fasciner. Aujourd'hui, la question est un peu moins mystérieuse. Je ne suis pas la seule à avoir observé que les plus jolies filles de Paris font la queue devant moi, et je remarque avec amusement que beaucoup de gens fréquentent mes dédicaces pour draguer ces beautés. Les circonstances sont idéales, car je dédicace à une lenteur accablante. Les séducteurs ont donc tout leur temps. Mais mon récit se situe fin 1997. À cette époque, le phénomène sautait moins aux yeux, ne serait-ce que parce que j'avais alors moins de lecteurs, diminuant ipso facto la probabilité d'y inclure des créatures de rêve. C'était des temps héroïques. Les libraires me servaient peu de champagne, je n'avais pas encore de bureau chez mon éditeur. Je repense à cette période avec le même effroi ému que notre espèce quand elle se remémore la préhistoire. Au premier regard, je la trouvais si jeune que je la pris pour un garçon de 15 ans. Cette juvénilité était confirmée par l'intensité exagérée de ses yeux. Elle me dévisageait comme si j'avais été le squelette du glyptodon du muséum du Jardin des Plantes. Je suis souvent lue par des adolescentes. Quand il s'agit d'une lecture imposée par le lycée, c'est d'un intérêt modéré. Lorsqu'un môme me lit de sa propre initiative, c'est toujours fascinant. Aussi accueillis-je le garçon avec un enthousiasme non fin. Il était seul, ce qui prouvait qu'aucun professeur ne l'envoyait. Il me tendit un exemplaire du Sabotage amoureux. Je l'ouvris à la page de garde et prononçai la formule rituelle « Bonsoir, c'est à quel nom ?»« Petroni Fanto », répondit une voix peu sexuée, cependant plus féminine que masculine. Je sursautais moins de découvrir le véritable sexe de l'individu que d'apprendre son identité. « C'est vous ? » m'écriai-je. Combien de fois ai-je vécu ce moment en dédicace, voir apparaître devant moi une personne avec qui je corresponds. Le choc est toujours violent. Passer d'une rencontre de papier à une rencontre de chair et d'os, c'est changer de dimension. Je ne sais même pas si c'est passer de la deuxième à la troisième dimension, parce que c'est peut-être le contraire. Souvent, voir le correspondant en vrai, c'est régresser, rejoindre la platitude. Et ce qui est terrible, c'est que c'est irrémédiable. Si l'apparence de l'autre, pour Dieu sait quel motif, ne convient pas à l'altitude d'une correspondance, celle-ci n'atteindra plus jamais son niveau. On ne pourra ni l'oublier, ni en faire abstraction. Du moins, moi je ne le peux pas. C'est absurde car ces échanges ne visent pas à la galanterie. L'erreur serait de croire que le physique compterait seulement en amour. Pour la majorité des gens à laquelle j'appartiens, le physique compte en amitié, et même pour les relations les plus élémentaires. Je ne parle pas ici de beauté ni de laideur, je parle de cette chose si vague et si importante que l'on nomme physionomie. Au premier coup d'œil, il y a des êtres qu'on aime et des malheureux qu'on ne peut pas encadrer. Le nier serait une injustice supplémentaire. Bien sûr, cela peut évoluer. Il y a des gens dont l'apparence rebute, mais qui sont si formidables qu'on va pouvoir s'y habituer, voire apprendre à apprécier leur tête. Et l'inverse se vérifie. Des êtres aux physiques avantageux vont nous paraître peu à peu sans charme si leur personnalité nous déplaît. Il n'empêche qu'il faut composer avec cette donnée de départ, et l'instant de la rencontre est celui où l'on prend si soudain la mesure du corps de l'autre. « C'est moi, » répondit Petronille. « Je ne vous imaginais pas comme ça, ne puis-je m'empêcher de dire. « Comment m'imaginiez-vous » demanda-t-elle. Suite à ma déclaration idiote, il était inévitable qu'elle me pose cette question. Or, je ne l'avais pas réellement imaginé. Quand on correspond avec quelqu'un, on se construit non pas une image, mais une intuition confuse de l'apparence du destinataire. Petroni Fanto m'avait envoyé, pendant les 3 mois précédents, 2 ou 3 lettres manuscrites dans lesquelles elle ne m'avait pas dit son âge. Elle m'avait écrit des choses si profondes et si ténébreuses que j'avais pensé avoir affaire à une personne vieillissante, et je me retrouvais, nez à nez, avec une adolescente au regard de piment rouge. « Je vous croyais plus âgée. Bon, »« J'ai 22 ans, » dit-elle. « Vous avez l'air plus jeune. » Elle leva les yeux au ciel avec un agacement qui me donna envie de rire. Que faites-vous dans la vie ? Étudiante, dit-elle. Et sans doute pour couper court à la question suivante, elle ajouta « Je fais un master en littérature élisabéthaine. J'écris un mémoire sur un contemporain de Shakespeare. » Admirable. Quel contemporain de Shakespeare ? Oh, vous ne le connaissez sûrement pas, répondit-elle avec aplomb. J'éclatai de rire. Et vous trouvez le temps de lire mes livres entre ceux de Marlowe et ceux de John Ford ? Il faut bien s'amuser. J'aime être votre divertissement, dis-je en guise de conclusion. Je lui aurais volontiers parlé plus longtemps. Mais la rencontre de dédicaces doit être brève, ce qui s'avère le plus souvent libérateur. J'inscrivis quelques mots sur la page de titre de son exemplaire du sabotage amoureux. Aucune idée de ce que j'ai pu écrire. Sauf exception, ce qui compte pour moi dans une séance de dédicaces, ce n'est pas la dédicace. Il y a deux attitudes possibles chez ceux à qui je viens de signer un livre. Il y a ceux qui partent avec leur butin, et ceux qui se rangent sur le côté et me regardent jusqu'au bout de la séance. Petroni resta et m'observa. J'eus l'impression qu'elle voulait me consacrer un documentaire animalier. C'était dans cette merveilleuse et minuscule librairie du 17e arrondissement, l'Astrée, 69 rue de Lévis. Michel et Alain Lemoine, comme de coutume, recevaient l'écrivain et les lecteurs avec une gentillesse désarmante. Comme il faisait déjà froid en cette soirée de fin octobre, ils servaient à tous un verre de vin chaud. Je me délectais du mien et je remarquais que Petroni ne dédaignait pas le sien. Elle avait vraiment l'apparence d'un garçon de 15 ans. Même ses longs cheveux retenus en un catogan étaient ceux d'un adolescent. Débarqua un photographe professionnel qui commença à me canarder sans me demander mon avis. Afin de ne pas m'irriter, je feignis de ne pas m'apercevoir de son manège et continuai à rencontrer mes lecteurs. Bientôt, le malotru ne se contenta plus d'être ignoré et fit aux gens le geste signifiant qu'ils devaient s'écarter. La fumée commença à me sortir par les oreilles et j'intervins. « Monsieur, je suis ici pour mes lecteurs et non pour vous. Donc, vous n'avez pas à donner d'ordre à qui que ce soit. » « Je travaille pour votre gloire, » dit le sycophante en continuant son shooting. « Non, vous travaillez pour votre argent et sans aucune politesse. Vous avez déjà pris beaucoup de photos, à présent c'est terminé. »« C'est une atteinte à la liberté de la presse, » vociféra celui qui prouvait ainsi sa véritable nature de paparazzi. » Michel et Alain Lemoine étaient épouvantés de ce qui se déroulait dans leur librairie au nom du roman précieux et n'osaient réagir. Ce fut alors que Petroni attrapa l'individu d'une main par la nuque et l'entraîna à l'extérieur avec une fermeté sans réplique. Je ne sus jamais exactement ce qui se passa, mais je ne revis pas le mitrailleur et aucune de ses photos ne fut repérable dans la presse. Personne ne commenta l'incident. Je continuai à dédicacer avec des sourires. Ensuite, les libraires, quelques fidèles clients et moi, nous achevâmes le vin chaud en bavardant. Je pris congé et marchai vers la station de métro. Au bout de la rue de Lévis, à cause de l'obscurité, je ne vis pas la petite silhouette qui m'attendait. « Petroni !» m'écriai-je surprise. « Quoi, bah, vous trouvez que c'est du harcèlement ?»« Non, merci pour le photographe. Enfin, que lui avez-vous fait ?» Je lui expliquais ma façon de penser. Bah, « Il ne vous dérangera plus. » »« Vous parlez comme dans un film de Michel Audiard. » « Si je vous écris, vous me répondrez encore ?»« Bien sûr. » Elle me serra la main et disparut dans la nuit. Je descendis dans le métro, enchantée de cette rencontre. Petroni me parut digne des contemporains de Shakespeare qu'elle étudiait. Des mauvais garçons toujours prêts à se battre. Je me trouvais dans le cas où la découverte du physique du destinataire ne nuit pas à la correspondance. Relire les lettres de vieilles philosophes ténébreuses de Petroni et Fanto, en sachant qu'elles avaient été écrites par un garçon bagarreur aux yeux vifs, les rendait formidablement piquantes. J'avais une idée derrière la tête. Et si Petroni se révélait la convine idéale? Je pouvais difficilement lui demander de but en blanc ce qu'elle valait comme compagne de beuverie. Aussi lui écrivis-je que, pour la remercier de m'avoir tirée d'une situation délicate, je l'invitai à boire un verre au gymnase. Je fixai une date et une heure. Elle accepta par retour de courrier. Le gymnase est un café déglingué où je me rends souvent, pour ce motif qu'il est situé à 100 mètres de chez mon éditeur. Ce lieu sans prestige m'a toujours été sympathique. Il correspond à l'archétype du bistrot parisien. Sur le comptoir, il y a un porte-œuf dur et un panier de croissants. Les clients sont ceux qu'on imagine en train d'entretenir des controverses de zinc. C'était le premier vendredi de novembre à 18h. J'arrivais la première, comme toujours. Je suis biologiquement incapable de ne pas avoir au moins 10 minutes d'avance. J'aime me familiariser avec la faune ambiante avant de me consacrer à quelqu'un en particulier. Si en dédicace, j'ai tendance à m'habiller en pagode martienne, là, je portais ma tenue habituelle. Mon noir de travail, une longue jupe noire, une veste noire quelconque et ma fraise noire, sans laquelle je ne suis pas moi. Je suis à fond pour le retour de la fraise, je n'ai jamais réussi, malgré ma notoriété, à rallier une seule personne à mes vues. Petroni Fanto était vêtu, comme la première fois, d'un jean et d'un blouson de cuir. « Je vais prendre un café, » dit-elle. « Vraiment ? Et si nous buvions quelque chose de plus festif ?» Un demi, alors. J'avais pensé à du champagne. Ici ? Dit Petroni en écarquillant les yeux. Oui, c'est très bien ici. Elle regarda autour d'elle comme si quelque chose lui avait échappé. D'accord, c'est très bien ici. Vous n'aimez pas le champagne ? Moi ? Ne pas aimer le champagne ? S'indigna-t-elle. Je ne voulais pas vous offenser. Vous avez déjà essayé le champagne ici ? Non, c'est l'occasion. En ont-ils d'abord ? À part au buffet de la gare de Vierzon, il y a du champagne partout en France. Petroni fit signe au garçon. Vous avez du champagne ? Ouais, deux coupes ? Une bouteille, je vous prie, demandai-je. Petroni et le garçon me regardèrent avec une soudaine considération. « J'ai du brut au derrière, dit-il. Désolé, pas de cristal, ça fera l'affaire. »« Parfait, du moment qu'il est au frais. »« Je veux, » répondit-il choqué. « La France est ce pays magique où le plus commun des troquets peut vous servir n'importe quand un grand champagne à température idéale. » Pendant que l'homme préparait la commande, Petroni m'interrogea. « Vous avez un événement à fêter ?»« Oui, notre rencontre. »« Fallait pas, c'est pas si important. » Pour vous, je le comprends. Pour moi, ça l'est. Ah bon ? Bah, c'est le commencement d'une amitié. Si vous allez par là. Je l'espère, en tout cas. Le garçon revint avec deux flûtés et la bouteille dans un seau à glace. Je vous l'ouvre ? Et laissez-moi faire, dit Petroni. Elle déboucha le brut de Roderer avec désinvolture et remplit les deux flûtes. À notre amitié, déclarai-je solennellement. Le Roderer avait ce goût que la Russie des tsars attribuait au luxe français. Le bonheur me remplit la bouche. « Pas mal, » dit Petroni. Je l'observais, elle partageait mon exaltation. J'appréciais qu'elle ne cherche pas à paraître blasée. Le garçon avait apporté des cacahuètes, ce qui dénotait un curieux sens des valeurs. Autant lire Tourguéniev en écoutant la danse des canards. Petroni n'y toucha pas. À mon soulagement. J'ai tendance à boire vite, même quand c'est excellent. Ce n'est pas la pire manière de faire honneur. Le champagne ne m'a jamais reproché mon enthousiasme, qui ne correspond absolument pas à un manque d'attention de ma part. Si je bois vite, c'est aussi pour ne pas laisser réchauffer l'élixir. Il s'agit également de ne pas le vexer, que le vin n'ait pas l'impression que mon désir manque d'empressement. Boire vite ne signifie pas boire tout rond, pas plus d'une gorgée à la fois. « Vous tirez une de ces têtes, » déclara Petroni. « C'est parce que je me concentre sur ce champagne, » dis-je. « Vous avez l'air bizarre quand vous vous concentrez. » Je l'amenais à parler, le vin aidant, elle avoua que son mémoire portait sur une pièce de Ben Jonson. Elle avait passé les 2 années précédentes à Glasgow, où elle avait enseigné le français dans un collège. Quand elle évoquait sa vie écossaise, son visage prenait une expression terrible. J'en conclus qu'elle avait connu l'amour là-bas et que cela ne s'était pas bien terminé. Je nous resservis. À mesure que la bouteille se vidait, nous reculions dans le temps. Elle avait grandi en banlieue parisienne, son père était électricien dans le métro, sa mère infirmière à l'hôpital de la Régie des Transports Parisiens. Je la regardais avec l'admiration stupide qu'ont les gens de mon espèce quand ils rencontrent un prolétaire véritable. Mon père consacre ses dimanches matins à vendre l'humain au marché. « Vous êtes communiste ?» m'exclamai-je dans cet enthousiasme d'avoir trouvé l'oiseau rare. « Doucement, mes parents le sont. Moi, je suis bien à gauche, mais quand même pas communiste. Vous, vous êtes de la haute, hein ?»« Je viens de Belgique, dis-je, pour couper court à l'investigation. »« Ouais, ça va, j'ai compris. » Elle tendit sa flûte pour que je la lui remplisse. « Vous êtes comme moi, vous avez une bonne descente, dis-je. Ça vous défrise ?»« Au contraire, j'aime boire avec qui partage ma passion. » Dites plutôt que ça vous amuse de nous encanailler. Je la scrutais, me demandant si c'était du sérieux. Vous allez me la jouer, lutte des classes et matérialisme dialectique, dis-je. Quand je vous ai invité, j'ignorais vos origines. Les gens de votre caste sentent ces choses-là. Ces choses-là, comme vous dites, ne m'obsèdent pas. La tension montait, Petroni dut s'en rendre compte et calma le jeu. « En tout cas, nous avons trouvé un terrain d'entente, » dit-elle en montrant la bouteille du menton. « En effet. » Mes parents apprécient les grands champagnes. Nous n'en buvons pas souvent, mais quand même. Le communisme a été inventé par un Allemand et inauguré par les Russes, deux peuples qui aiment le champagne de qualité. Moi, je suis née dans une ambassade, autant dire dans le champagne. Alors, vous ne percevez plus que ce breuvage à d'exceptionnel. Détrompez-vous. Ma vie a eu ses splendeurs et ses misères. Vous écrivez souvent aux écrivains. Vous êtes la première à ce jour. La seule. Que me vaut cet honneur? Vous me faites rigoler. Je vous ai découverte à la radio. Je ne savais pas qui vous étiez, mais je n'en pouvais plus de rire. Vous racontiez comment il fallait s'y prendre pour traire une baleine. Vous disiez aussi que vous placiez le mot « pneu » dans chacun de vos livres. Je les ai tous lus pour vérifier. Vous n'avez pas menti. Comme quoi je donne aux gens des motifs sérieux pour me lire. J'ai aimé vos bouquins, ils m'ont touchée. Vous me faites plaisir. Merci. Ce n'était pas une formule. Quand quelqu'un aime mes livres, cela me réjouit sincèrement. Dans la bouche de cette étrange gamine qui tutoyait les contemporains de Shakespeare et terrorisait les photographes, le compliment me ravissait d'autant plus. Vous devez avoir l'habitude. Je ne m'habitue pas. Et puis, vous n'êtes pas n'importe qui. C'est pas faux. Je suis difficile. J'ai essayé de lire les écrivains d'aujourd'hui. Ils me sont tombés des mains. J'ai tenté de la convaincre qu'elle avait tort en lui parlant avec éloge d'un grand nombre de plumes vivantes. « Tout ça ne vaut pas Shakespeare, » répondit-elle. « Moi non plus. Vous offrez du champagne à vos lecteurs, c'est différent. Vous ne pouviez pas le savoir. Et puis, je ne fais pas cela avec tous mes lecteurs. J'espère bien, je vous surveillerai. » Je ris un peu jaune quand même, car je la sentais capable. Elle dut lire dans ma pensée, car elle ajouta « Rassurez-vous, j'ai des exploits autrement importants à accomplir. Je n'en doute pas, je brûle de les connaître. Vous verrez. » L'ivresse aidant, j'entrevis des actions d'éclat. Le vol de la couronne d'Angleterre au profit des travaillistes écossais ou dommage qu'elle soit une putain jouée à la comédie française. Petroni devait avoir un certain sens de la mise en scène car elle choisit ce moment pour se lever. « Il n'y a plus de champagne, » dit-elle. « Je propose qu'on aille au cimetière Montparnasse, c'est au bout de la rue. »« Excellente idée, » dis-je. « Nous y croiserons forcément quelqu'un d'intéressant. » C'était sans compter avec la fermeture hâtive des cimetières parisiens en hiver. Nous trouvâmes porte close et nous reprîmes en sens l'inverse la rue Huguins vers le boulevard Raspail. Nous devions être à mi-parcours quand Petroni m'annonça qu'elle allait uriner là entre deux voitures garées. « Ne pourriez-vous pas attendre le gymnase ?» protestai-je. « Nous n'avons plus que 30 mètres à marcher. »« Trop tard, couvrez-moi. » Panique. En quoi devait consister mon rôle ? Il faisait noir avec de la nuée. On ne voyait pas à 20 mètres sur le trottoir de la rue Huygens. En cette atmosphère digne de Macbeth, je devais protéger l'intimité d'une jeune personne qui, pour des raisons qui m'échappaient en partie, avait lu tous mes romans. Je tendis l'oreille pour entendre d'éventuels pas. Je ne perçus que le bruit d'un pipi qui semblait décidé à ne jamais s'arrêter. Mon cœur battait très fort. J'imaginais un discours pour le cas où un passant arriverait. « Pardonnez-moi, madame, monsieur, mon amie a cédé à un besoin urgent. Elle n'en a plus pour longtemps. Pourriez-vous, s'il vous plaît, attendre un instant ?» Quel effet de tels mots produirait-il ? Je ne le sus pas, car la chansonnette finit quelques secondes plus tard. Petroni réapparut. « Ça va mieux, dit-elle. Vous m'en voyez ravie. Désolée, c'est le champagne. Ça m'apprendra à offrir du Roderer à un gamin des rues, pensais-je en me dirigeant vers la station Vavin où nos chemins se séparèrent. Petroni dut sentir que j'étais un peu refroidie, car elle ne me dit pas à bientôt. Une fois seule, je me morigénais. Pipi entre deux voitures, ce n'était pas si grave. Pourquoi est-ce que je me conduisais comme si j'avais subi un traumatisme ? Oui, certes, au Japon, personne n'eût agi de la sorte. Mais précisément, j'avais choisi de quitter l'Empire et de venir en France, pays dont j'appréciais la liberté. Oh, tu n'es qu'une chochotte, me dis-je. Toujours est-il que je ne repris pas contact avec Petroni. Les années passèrent sans que je songe à me trouver un compagnon ou une compagne de beuverie. Ce fut ma manière de rester fidèle à cette accointance d'un soir. Octobre 2001. Dans une librairie parisienne, je contemplais les nouvelles parutions quand je tombais sur un premier roman d'une certaine Petroni Fanto, Vinaigre de miel. Je sursautais et m'emparais du livre. En quatrième de couverture, il était inscrit « Petroni Fanto, 26 ans, spécialiste et contemporain de Shakespeare, s'initie à un premier roman insolent. » Il y avait une petite photo en noir et blanc de l'auteur. Elle n'avait pas changé. Je souris et achetai le bouquin. Mon protocole de lecture est particulier. Pour atteindre la meilleure qualité d'imprégnation, j'ai observé qu'il me fallait lire couché, de préférence sur un lit moelleux. Plus profond sera le confort, plus la conscience de mon corps disparaîtra et mieux je m'unirai au texte. Ainsi fut fait. Je lus Vinaigre de miel d'une traite. Petroni, au culot, avait repris l'argument des jeunes filles de Monterland. Un écrivain à succès reçoit des lettres de lectrices énamourées et répond avec un mélange de gourmandise et de lassitude. Là, s'arrêtait la ressemblance. Car si le costal de Monterland sortait vainqueur de la confrontation, le Schwerin de Fanto terminait phagocyté par les donzelles. Monterland avait écrit son livre en connaissance de cause, du haut de son expérience déjà longue d'auteur à succès. Petroni, elle, commettait cette œuvre en guise de premier roman. D'où tirait-elle sa science des comportements de lectrice ? Mais ce paradoxe n'aurait pas eu d'intérêt sans talent. La romancière ne se contentait pas d'être audacieuse, elle avait aussi et d'abord une vraie maîtrise de l'écriture et de la narration. Mieux encore, on sentait chez elle une culture idéalement assimilée. L'auteur avait tout lu depuis longtemps et avait dépassé de beaucoup le stade où l'on éprouve le besoin d'en avertir autrui. Pour preuve, l'allusion à Monterland lui paraissait si évidente qu'elle ne le citait ni de près ni de loin, à une époque où les jeunes de son âge ne le lisait plus guère. Il semblerait que cette suprême élégance soit appelée à disparaître. Il y a 4 ou 5 ans, une lectrice d'une 20aine d'années m'écrivit pour m'accuser de plagiat. Narquoise, elle expliquait sa trouvaille. Dans Hygiène de l'assassin, la fine mouche avait découvert que je me les sers moi-même avec assez de verve, mais je ne me permets pas qu'un autre me les serve, était tiré de Cyrano de Bergerac. Or, vous ne l'avez pas précisé, concluait-elle avec des points de suspension accusateurs. J'eus la sottise de répondre à la demoiselle que je me demandais s'il existait une personne sur terre pour ignorer cela. Par retour de courrier, elle m'apprit d'un ton aigre qu'elle était la seule de son année de fac de lettres à le savoir, que par conséquent, ma défense ne la convainquait pas. Comme quoi, de nos jours, le manque de cuistrerie passe pour du vol délibéré. Petroni, si jeune fut-elle, faisait partie des auteurs de bonne compagnie. Je m'en réjouis et je lui écrivis sur le champ une lettre enthousiaste que je lui envoyai par le biais de sa maison d'édition. Elle ne tarda pas à me répondre en me conviant à une séance de dédicace. Au jour et à l'heure dit, je me rendis donc dans cette sympathique librairie du 20e arrondissement appelée le Merle Moqueur. J'aime immensément fréquenter les dédicaces des autres, pour une fois que ce n'est pas moi qui travaille. Et puis, j'aime observer le mode opératoire de mes collègues. Il y a ceux qui, grossiers, dédicacent sans presque regarder le lecteur, voire sans interrompre leur conversation téléphonique portable coincée entre l'oreille et l'épaule. Il y a ceux qui expédient le boulot et ceux qui sont encore plus lents que moi. Je pense à cet adorable écrivain chinois qui désespère les libraires parce qu'il consacre une demi-heure par lecteur à réfléchir puis à exécuter en guise de signature la calligraphie que l'interlocuteur lui inspire. Il y a ceux qui exagèrent, qui sont obséquieux, sans oublier ceux qui draguent. C'est un spectacle amusant. Dans le cas de Petroni, le plus significatif était l'attitude des lecteurs. Tous avaient une expression incrédule quand ils découvraient l'auteur. Comme 4 années auparavant, elle avait toujours l'air d'un garçon de 15 ans. Une telle juvénilité rendait son premier roman encore plus improbable. Elle était avec les gens d'une courtoisie sans détour, la meilleure. Je me rappelais le pipi du trottoir de la rue Huygens et je le vis différemment. Nul doute que Christopher Marlowe ou Ben Jonson se fussent conduits de la même manière. Et que pourrait-il y avoir de plus chic que les façons des contemporains de Shakespeare ? D'ailleurs, Petroni avait cet air de garçon des rues qui devait être aussi l'aspect de ces auteurs immenses, tous morts avant 30 ans dans des rixes idiotes de sortie de taverne. N'était-ce pas la grande classe ? Quand ce fut mon tour, elle dit... Amélie Nothomb à ma dédicace. Ça le fait. Je lui tendis vinaigre de miel. Un régal, déclarai-je. Vous avez apporté du champagne alors ? Désolée, je n'y ai pas pensé. Dommage, désormais j'ai avec vous un conditionnement pavlovien. Votre apparition me donne une atroce envie de Roederer. Je vous invite après, nous en trouverons. Si c'est de la veuve ou du don, je ne crache pas dessus. Laurent Perrier, Moët, Tétinger, Krug, Philippona, récitai-je à la vitesse d'une quinte flush. D'accord, dit-elle sobrement. Tandis qu'elle terminait, je lus ce qu'elle m'avait écrit sur la page de garde de son livre. Pour Amélie Nothomb, mécène. Et puis sa signature. Elle prit congé du libraire et je me retrouvai avec elle dans une rue du 20e arrondissement. Si je comprends bien... « Mon mécénat consiste à faire boire les artistes que j'admire, » demandai-je. « Oui, enfin, vous pouvez même carrément les inviter à dîner. » Je l'emmenai au café Beaubourg où j'avais mes habitudes. Je signalai à Petroni que l'établissement comportait des toilettes. Oh, « Ce que vous êtes vieux jeu, » dit-elle. La soirée fut très agréable. Petroni me raconta ce qui s'était passé les 4 dernières années. Elle avait gagné sa croûte comme pionne dans un lycée privé pendant qu'elle écrivait son manuscrit. Un grand de terminale l'avait traité de prole. Elle lui avait répondu qu'il était un bourge. Le pauvre petit était allé pleurer chez ses parents qui avaient exigé que la subalterne présente des excuses au cher ange. Petroni avait dit que Bourges n'était pas plus une insulte que Prole. C'était un état de fait. Il n'y avait donc pas lieu d'en tirer offense. La directrice avait renvoyé Petroni. Une semaine plus tard, je trouvais un éditeur pour Vinaigre de miel, conclut-elle. Excellent timing. Oh, tout va bien. Ah, n'hésitez pas à m'inviter dans vos mondanités. Hein. Je ne suis pas très connue dans les milieux qui sont les vôtres. Je crois que vous vous faites des idées sur mon mode de vie. Allons, ouais, vous êtes jeune et célèbre, on vous invite partout. Jeune ? J'ai 34 ans. Bon, ben, vous êtes vieille et célèbre. On m'invitait partout, en effet, mais je refusais toujours. Me vint à l'esprit que les mondanités seraient peut-être moins ennuyeuses en compagnie de Petroni. Je suis invitée à un après-midi de dégustation de champagne au Ritz à la fin du mois. Je viens. Je souris. Mon premier pronostic avait été de faire d'elle une compagne de beuverie. Cela prenait forme. Au jour dit, Petroni m'attendait devant le Ritz. Comme d'habitude, elle portait un jean et son blouson de cuir avec des docks. J'étais pour ma part vêtue en templier fin de siècle. Bah, comparé à vous, j'ai l'air d'un hooligan, déclare-t-elle. C'est très bien. Les salons du Ritz étaient infestés de rombières qui regardèrent mon ami des pieds à la tête avec dégoût. Tant de grossièreté me confondit et j'ai eu un mouvement de recul. « Vous voulez qu'on parte ?» demanda-t-elle. « Oh, non, il n'en est pas question. » Après tout, nous étions venus pour le champagne. Il y avait plusieurs tables avec des marques différentes. Nous commençâmes par Perrier Jouet. En mondanité, le champagne est presque meilleur. Plus le contexte est hostile, plus il fait figure d'oasis. C'est un résultat qu'on ne peut obtenir en buvant chez soi. La première flûte nous ravit. « Pas mal votre truc, dit Petroni, à les chansons. » L'homme sourit avec bienveillance. 100% des échansons que j'ai rencontrés sont des êtres exquis. Je ne sais pas si c'est le métier qui les rend tels ou si une telle ambition le présuppose. Ce jour-là, au Ritz, les échansons étaient les seules personnes fréquentables. Quand je circulais, des dames harponnaient aussitôt en gloussant qu'elles avaient vu mon image à la télévision. Je les interrompais. « Permettez-moi de vous présenter, Petroni Fanto, une jeune romancière de talent. » À chaque fois, ces créatures à serre-tête se pétrifiaient. Leur expression extatique pour moi devenait dédaigneuse pour le gamin des rues que je prétendais leur faire connaître. Soudain, elles avaient ailleurs une mission de la plus haute importance. Petroni, elle, leur tendait une main franche que beaucoup eurent le front de ne pas serrer. « Je sens le pâté ?» me demanda la nouvelle venue avec une sidération que je partageais. « Je vous présente mes excuses, lui dis-je. Je ne me doutais pas que nous aurions affaire à tant d'impolitesse. Non, c'est pas de votre faute, je vous rassure. Je suis contente d'être là. Il faut le voir pour le croire. Bah, le champagne ne vous snobe pas, lui. Allons essayer le Jean Jocelyn. » Celui-ci s'avéra excellent. À ma connaissance, c'est le seul champagne qui ait un goût de levure, une merveille. À force d'éviter les dames à serre-tête pour nous concentrer sur la dégustation, nous fûmes fin saouls. En société, cela me rend joyeuse et expansive. Comme je pouvais difficilement faire profiter de ces aimables dispositions le public du lieu, je me montrais très allègre avec les échansons et en veine de confidence avec Petroni. Celle-ci, en état d'ivresse avancée, se révéla vite insurrectionnelle. Elle écoutait à peine ce que je lui racontais et répliquait par des commentaires acerbes sur ce qu'elle voyait. Nos échanges ressemblaient à ceci. « L'un des buts de la vie me paraît d'être pompette la nuit dans de belles villes. »« Qu'est-ce que c'est que ce ramassis de mégères ?»« Il y a des choses à grignoter au buffet, mais je ne vous les recommande pas. Ma sœur Juliette dit avec raison que si les vins rehaussent la nourriture, l'inverse n'est jamais vrai. » Ce propos fait hurler la race odieuse des connaisseurs. Pourtant, je l'ai toujours vérifié, il suffit d'avoir mangé une bouchée pour que boire cesse d'être magique. Si celle-là continue à me dévisager, je vais lui envoyer mon pied dans la gueule. Je n'ai rien contre l'alimentation, mais je pense qu'il faut commencer à dîner quand on n'est plus capable de boire même une gorgée, ce qui retarde considérablement le moment de se mettre à table. Mais vaut-elle que je lève le pied pour ça ? J'y crois moyen. Il m'est arrivé de tant le retarder que je n'étais plus capable. Aussi est-il exquis de s'effondrer d'ivresse sur un sofa voluptueux. Il faut apprendre à repérer d'avance l'endroit où l'on va tomber. Le Ritz n'est pas idéal. Je veillerai désormais à n'accepter que des espaces propices aux affaissements divins. Je vais lui demander si elle veut ma photo. Machinalement, j'accompagnais Petroni en continuant à m'épancher. Je n'imaginais pas qu'elle allait demander pour de bon à cette femme si elle voulait sa photographie. « Pardon ?» s'étrangla la dame. « Vous n'avez qu'à me laisser votre adresse et je vous l'enverrai. Remarquez, je vous comprends, une photo d'une authentique prole pour vous, c'est de l'exotisme. » Terrifiée, la dame me jetait des regards implorants, l'air de m'appeler à l'aide. Je me contentais de jouer mon rôle social. « Chère madame, permettez-moi de vous présenter Petroni Fanto, une jeune romancière que j'admire. Son premier roman, Vinaigre de miel, est bourré de talent. Comme c'est intéressant. Je vais l'acheter, enchaînant la dame en tremblant. Ça tombe bien, ma photo est en quatrième de couverture. Comme ça, vous pourrez encore me dévisager tout votre soûl. » Je pris Petroni par le bras, trouvant la chute excellente. La hargne s'était installée en elle et je sentais que si je ne la retenais pas, elle la déverserait sans trêve. Nous essayâmes un nouveau champagne. À ce stade, je mentirais en prétendant me rappeler son nom. Mais c'était délicieux et on nous le servit avec grâce. Petroni, elle, ne se livrait plus à la dégustation. Au lieu de boire une gorgée d'un air méditatif pour apprécier les saveurs, elle avalait désormais d'un trait le contenu de la flûte et la retendait à l'échanson en disant « Marée basse !» L'homme la lui remplissait avec un sourire charmant. J'eus l'intuition de ne pas me fier à ses bonnes manières. Si les choses continuaient, Petroni allait réclamer la bouteille et boire au goulot. Et l'homme la lui offrait le plus naturellement du monde. L'atmosphère devient un peu pesante, dis-je à mi-voix. Je suggère que nous partions. Malement pris, Petroni s'exclama très fort. Vous trouvez l'atmosphère pesante, vous ? Pas moi, ça réchauffe, non ? Tous les regards se tournèrent vers nous. Les joues en feu, j'essayais d'entraîner mon ami vers la sortie. L'opération s'avéra difficile, la jeune femme faisait la lourde, je ne pouvais pas me contenter de la tirer par la main, à la fin je dus carrément la pousser comme un meuble. « Mais je n'ai pas goûté chaque champagne, » protesta-t-elle. Au sortir du Ritz, l'air vif nous dégrisa un rien. Je soupirai de soulagement. Petroni vociféra. « Je m'amusais, moi. » Pour ma part, j'aime me promener ivre dans les beaux quartiers de Paris. « Vous appelez ça un beau quartier ?» rugit-elle en considérant la place Vendôme avec mépris. « Montrez-moi donc le Paris que vous aimez, » répondis-je. Cette mission la séduisit. Elle me prit par le bras et m'entraîna en direction des Tuileries, puis du Louvre. Elle me montra ce dernier en concédant « Ça quand même, c'est pas mal !» Nous traversâmes le pont du Carrousel. « La Seine comme fleuve, en fait pas mieux !» déclarait-elle, et longeâmes les quais au pas gymnastique. Nous dépassâmes la place Saint-Michel et arrivâmes devant une librairie digne d'un roman de Dickens sur laquelle il était écrit « Shakespeare and Company ».« Voilà, » dit-elle. Je n'avais encore jamais entendu parler de cette boutique féerique. Émerveillée, je contemplais autant l'extérieur que l'intérieur. Par la vitrine, on voyait des livres aux aspects de grimoire, des amateurs que nul ne tirait de leur lecture, et une jeune libraire blonde au teint de porcelaine, si jolie et si gracieuse que l'on croyait rêver en la regardant. « Décidément, Shakespeare est votre référence, » conclus-je. « Trouvez-moi une meilleure. » « Pas question. » Mais rien de très parisien dans ce que vous aimez de Paris. Ça se discute. Cela dit, s'il vous faut de l'ultra-parisien, nous y allons. Nous nous enfonçâmes dans les ruelles du 5e arrondissement. Elle se dirigeait avec une assurance de Sherpa. Je finis par comprendre où elle m'emmenait. « Ah, les arènes de Lutèce !» m'exclamai-je. « Je les adore. Elles sont tellement anachroniques. À Rome, un tel site serait si ordinaire qu'on ne le remarquerait pas. À Paris, ça fait du bien d'avoir un témoignage du temps où nous étions des Lutétiens. Parlez pour vous. Je viens de Gaule-Belgique, le seul pays au monde dont le nom est un adjectif substantivé. » Nous contemplâmes les arènes avec respect. Il régnait un silence de catacombe. « Je me sens très gallo-romaine, » déclara Petronille. « Ce soir ou en général ?»« Vous n'êtes pas très normale, » répondit-elle en riant. Je ne compris pas et passai outre. De fait, Petronille, c'est le féminin de Pétrone, repris-je. Vous êtes un petit arbre des élégances. Pourquoi petit ? Il ne fallait pas plaisanter avec son maître 60. Vous écoutez France Culture, Voix de femme, à l'Odéon Théâtre de l'Europe. Amira Cazard lisait des extraits de Petronille d'Amélie Nothomb. Tout de suite, Jean Birnbaum, du Monde des Livres, s'entretient avec Amélie Nothomb. Alors ? Oh, je suis enchantée. Franchement, je ne me suis mêlée de rien. Enfin, j'ai écrit le texte, mais que vous ayez choisi Amira Cazard, c'était une idée en or. C'est une comédienne que j'adore et en plus, c'est une amie. Donc, j'ai trouvé qu'elle était parfaite. Si je vous demande votre réaction après l'écoute de ce moment, c'est que vous parlez toujours du son qu'il y a dans votre tête avant d'écrire. C'est célèbre, hein, vous écrivez avec un big sur des cahiers d'écoliers et où il n'y a jamais de rature, parce que les brouillons, vous les faites dans votre tête. Et l'importance du son est centrale. Vous dites « Je travaille le son dans ma tête, car ma voix gâche tout ». Alors, qu'est-ce que ça fait quand vous entendez votre texte, Petronille, comme ça ? Mais c'est miraculeux, parce que c'est... Alors que la voix d'Amira Cazard ne ressemble en rien à la mienne, sa voix illustre infiniment mieux mon son que la mienne ne le fait maintenant. Donc là, je suis en train de saboter l'édifice, de le poignarder. Donc c'est vrai que la voix du texte est essentielle, mais ce qui est paradoxal dans mon cas, c'est que la voix du texte n'est pas la mienne. C'est une imposture. Vous savez, là, en vous écoutant, je pense à une chose que j'avais pas prévu à laquelle je n'avais pas prévu de faire allusion. Puisqu'on parle de voix et de rencontres comme ça, il y a un passage dans un roman de Mathieu Lindon, consacré à Michel Foucault, que je trouve très beau. Et il raconte justement une rencontre entre un auteur et son lecteur, en tout cas son auditeur, qui fait basculer l'auteur ailleurs et surtout qui le fait tomber de son piédestal. Et c'est un rapport à la voix. Vous savez, ça se passe au Collège de France. Michel Foucault a des dizaines de petits magnétophones devant lui quand il parle. Et à un moment donné, il y a un jeune homme qu'il avait repéré déjà depuis 2-3 cours qui vient récupérer son magnétophone. Et Michel Foucault, pour nouer un premier lien, lui dit « Ah, vous en avez un joli magnétophone !» Mais je trouve que c'est une très belle histoire, parce que ça montre combien il est gentil. Si cette histoire m'était arrivée avec Foucault, j'aurais pensé, mais quelle amabilité de feindre de s'intéresser à mon magnétophone. Je n'ai jamais trouvé un lecteur assez gentil pour me faire une telle remarque, mais ça peut encore se produire. Alors justement, ça peut se produire, d'autant plus que vous avez une relation intense avec vos lecteurs. Oui, j'en ai quelques-uns ici, alors, j'en vois une malgré... vous savez, c'est très bizarre parce qu'on est à la fois dans l'obscurité, dans les ténèbres. Et si j'osais vous scruter tous plus longtemps, je verrais apparaître d'autres visages. Par ailleurs, je sais que certains coupables sont dans la salle, mais je ne les ai pas forcés. Ah, j'en distingue d'autres. Donc oui, c'est ça qui est terrible aussi avec Petronille, c'est que... dans Petronille, je m'attache à une lectrice, certes très importante... Mais depuis que j'ai publié ce livre, je suis prise de vertige parce que je me rends compte du nombre de Petronille que je pourrais écrire, qui donnerait lieu à des livres tellement différents. Parce que, bien sûr, je ne peux pas dire que je boive du champagne avec tous mes lecteurs et toutes mes lectrices. Ce serait génial, hein, j'adorerais. Mais vous imaginez la beuverie que serait ma vie. C'est pourtant ce qu'il dit chez Albin Michel. Mais c'est vrai que j'ai des relations suivies avec beaucoup de mes lecteurs et que ça donne des histoires incroyables qui parfois durent depuis près de 20 ans et qui parfois s'arrêtent. Il y aurait tant à dire sur chacune de ces relations. Aucune n'a un schéma type. Parfois, ça s'arrête très brusquement sans qu'on sache pourquoi. Il peut y avoir une interruption de 10 ans et puis ça peut reprendre très fort. Parfois, on déçoit quelqu'un sans même savoir pourquoi. Peut-être que mon magnétophone est très moche et que ça peut suffire. Et parfois, ça continue sans qu'on sache pourquoi non plus. Et c'est très beau. Il faudrait demander aux personnes incriminées dans la salle pourquoi ils continuent. C'est ça la vraie question. Parce que moi, je comprends pourquoi. Je ne vous connais pas, je suis fascinée. Mais vous, pourquoi vous restez? Je ne comprends pas. Enfin, on peut comprendre quand on sait que vous avez d'abord été épistolière avant de devenir écrivaine. Oui. Alors, vous racontez souvent, je ne sais pas si tout le monde le sait dans la salle, que comme vous étiez fille de diplomate, vous étiez loin de vos grands-parents et que vos parents, très tôt, vers l'âge de 6-7 ans, je crois, vous ont imposé d'écrire des lettres, une lettre par semaine à votre grand-père qui était en Belgique. Oui. Et donc, vous avez donc d'emblée une relation très forte au courrier, à la correspondance. Et beaucoup plus tard, donc, vous avez noué ce lien avec vos lecteurs auxquels vous vous adressez tous les jours. Je crois que vous passez 4 à 5 heures par jour à répondre au courrier. Et vous recevez des lettres. C'est là qu'on comprend pourquoi les gens restent, vos lecteurs restent, parce que vous recevez des lettres. Vous parliez d'une bonne sœur qui vous demandait de la présenter à Brigitte Bardot. Comme je l'ai déçue, quelqu'un qui disait « Vous êtes la sadique dont je rêvais, venez avec des talons aiguilles et fouettez-moi », et vous ne l'avez pas déçue, elle. Mais j'ai des demandes extraordinaires. Il y a 2 semaines environ, une femme inconnue m'a envoyé une lettre de 15 pages. Le préambule était « Voilà, j'ai 50 ans, ma fille est une ordure et j'ai enfanté d'un monstre et je veux que vous écriviez un livre sur elle. Alors voici toutes les pièces du dossier pour que vous sachiez à quel point ma fille... » Donc j'ai lu avec... Et je n'ai pas pu m'empêcher de lire tout ça pour savoir pourquoi la fille de cette femme était une ordure. Et j'étais très tentée de répondre à cette femme, mais est-ce que vous savez que c'est vous qui l'avez élevée? Donc peut-être que vous avez une part de responsabilité dans tout ça. Donc finalement, j'ai écrit une lettre parfaitement gentille parce que j'ai bon fond. Donc, mais ça ne s'entend pas tout de suite comme ça, mais vous allez voir, au bout de 20 minutes d'entretien, vous sentirez la chose. Hein. Mais c'est vrai que le phénomène de cette correspondance continue de m'affasciner. Il n'y a pas de correspondance type. Personne ne m'écrit la même lettre et ça n'évolue jamais de la même façon. Donc je suis fascinée et en même temps très bête, mais c'est aussi de votre faute. Parce que du fait que vous le dites ici devant une assemblée nombreuse, eh bien tout ceci promet d'empirer. Et alors en même temps, c'est là que vous avez appris que la littérature, c'est d'abord de s'adresser à quelqu'un. Mais je pense en effet que ce qui a fait de moi cette romancière-là, cet écrivain-là, c'est d'avoir su très tôt que quand on écrivait, on s'adressait à quelqu'un. Et je ne sais même pas comment j'ai attrapé cet art-là, parce que franchement, je pense que je n'avais pas l'ombre d'une vocation. Mais il fallait écrire une lettre par semaine, il fallait remplir une feuille A4 par semaine à un vieux monsieur belge inconnu. Et l'idée était qu'il fallait, par politesse, attirer son attention. Il fallait ne pas l'ennuyer. Et c'était d'autant plus fascinant que l'inconnu en question répondait. Et c'est certainement un acte de bravoure de sa part, vu que ce que j'écrivais ne devait pas être d'un très grand intérêt. Mais très vite, l'exercice est passé du pinsum à l'exercice fascinant, c'est à l'exercice métaphysique. Qui est cet inconnu à qui je m'adresse et qui continue de me répondre? Et c'est une vocation qui ne s'est jamais interrompue, puisque ça reste vrai. Maintenant, je continue de m'adresser à des inconnus et les inconnus continuent de me répondre et je me prends au jeu. En vous écoutant là et en ayant lu quelques petites choses que vous avez dites sur le sujet, je pensais à cette... Parce que moi, mon truc, c'est de citer des auteurs, de faire un peu le cuistre de service. Donc après Michel Foucault, je voulais citer Roland Barthes. J'adore. Et il y a un très beau passage dans les fragments d'un discours amoureux où Barthes parle de la lettre d'amour. Oui. Et où il dit que finalement, la lettre d'amour, c'est plein de codes établis, souvent assez artificiels, et que le cœur de la lettre d'amour, c'est toujours une seule et même pensée qui est d'énoncer, je cite, « Je n'ai rien à te dire, sinon que ce rien, c'est à toi que je le dis. » Est-ce qu'il n'y a pas, justement, et dans les lettres à ce grand-père dont vous ne saviez pas grand-chose, et dans les dédicaces que vous faites ou dans les courriers que vous faites à vos lecteurs totalement inconnus, un peu de ce rien à dire à quelqu'un, sinon que ce rien, c'est à lui que vous le dites? Je ne connaissais pas, enfin j'avais lu Barthes il y a longtemps, mais je ne me souvenais pas de ce passage, c'est magnifique. Mais c'est certainement vrai, oui, il y a quelque chose de l'ordre de l'amour dans la dédicace. N'imaginons pas ce que je n'ai pas voulu dire, il ne s'agit pas, là encore, d'avoir des relations galantes avec tous mes lecteurs et toutes mes lectrices, parce que sinon j'ai pas fini, hein. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, en tout cas avec moi. Je ne sais pas comment ça se passe aux dédicaces des autres, mais enfin, je suis une personne bienveillante et je suis une personne pleine de curiosité. Et j'ai souvent l'impression que c'est partagé. Mes lecteurs s'auto-sélectionnent comme sympathiques et bienveillants. Donc, sauf exception, les gens ne viennent pas pour me piéger ni pour que ça se passe mal. Donc, c'est vrai que dans l'immense majorité des cas, ça se passe très bien. Et en même temps, vous avez toute conscience que pour vous, ça se passe bien, mais que par ailleurs, autour de vous, souvent, la dédicace est un moment de désastre. Il y a eu plusieurs livres là récents qui mettent ça très bien en scène. Il y a le livre d'une attachée de presse qui s'appelle Emmanuel Alibert. Le livre s'appelle « Hommage de l'auteur absent de Paris », où elle raconte toutes sortes de choses très très drôles sur le milieu littéraire, et notamment la scène courante et quotidienne de l'auteur qui se retrouve dans un salon du livre en province, tout seul, à côté d'Amélie Nothomb ou de Jacques Attali, et qui est tout seul, paumé, et qu'on vient voir en disant « C'est vous, David Funkinos ?» Il dit « non, désolé ». Et c'est des choses qui... Et là, il y a un livre de François Bégodeau qui vient de sortir également, qui s'appelle « La politesse », où il met aussi la chose en scène de façon très drôle. Donc, ce moment de la dédicace est quand même souvent, pour beaucoup d'auteurs, un moment qui n'est pas vraiment celui de l'échange, mais d'une solitude douloureuse. Mais j'ai connu ça au tout début. Bon, ça a bien commencé pour moi dès 92, mais je me souviens d'être allée à Orléans en 93, à la FNAC d'Orléans, et d'avoir eu exactement une dédicace. Mais ça s'était très, très bien passé. Là, pour le coup, j'avais eu le temps de dialoguer, parce que c'est vrai que maintenant, ce n'est plus le cas. Et bon, bien sûr, je suis un auteur très heureux, mais c'est aussi très stressant de devoir tenir compte d'un grand nombre de paramètres, dont la file. Moi, si je m'écoutais, je parlerais au moins une demi-heure avec chaque personne. Mais je ne le peux pas. Et c'est difficile de faire comprendre tout à coup à la personne que, ben voilà, c'est terminé. C'est pas du tout qu'on n'a plus rien à lui dire, mais c'est qu'il faut penser aux gens qui sont là derrière. Alors, Dieu merci, la plupart des gens le comprennent très bien et cèdent volontiers la place à la personne suivante. Mais il y a des gens qui ne veulent rien entendre. Et qui ne veulent pas déloger. Parfois aussi, ça me fait plaisir parce que je les trouve très sympathiques. Mais alors il y a la personne d'Albin Michel qui vient soulever mon chapeau pour me dire « Mais est-ce que tu sais qu'il y a encore beaucoup de gens par derrière ?» Et moi, je suis là. Je ne vais pas me plaindre. Bien sûr que la situation de l'auteur tout seul est infiniment plus compliquée. Tout ceci pour dire que ma situation n'est pas sans délicatesse non plus. Oui, ça n'a pas l'air facile. Donc finalement, il faudrait, nous le savons tous, il faudrait faire les vases communicants. Le salon du livre idéal serait un salon du livre basé sur le principe des vases communicants. Chaque écrivain aurait exactement le même nombre de lecteurs. Mais on n'a pas encore réussi ce coup-là. Il y a une autre chose qui se dit beaucoup, qu'on constate, c'est, vous savez, que le Salon du Livre de Paris va ouvrir dans ses portes dans quelques jours, et que certains éditeurs ont décidé de ne pas y aller, notamment parce que beaucoup d'auteurs ne s'y retrouvent pas, qui rencontrent peu de lecteurs là-bas. Et on dit même que les auteurs qui ont l'habitude de rencontrer beaucoup, beaucoup de lecteurs et de voir des centaines de fidèles qui viennent faire la queue pour obtenir une dédicace, en fait, ont la déception de plus en plus de voir arriver des lecteurs potentiels ou des gens à leur niveau qui, au lieu de leur demander une dédicace ou d'acheter un livre, font un selfie ou glissent un petit cahier en disant « Voilà, j'ai fait un poème, est-ce que vous pouvez le signer ?» Est-ce que c'est vrai ? Écoutez, moi, j'ai pas trop ce problème-là. C'est-à-dire que si le phénomène du selfie, là, ça, c'est vrai qu'il existe à fond et ça donne des photos parfois très étonnantes. Mais dans mon cas, ce sont des gens qui... parce que vous avez pris vraiment... Écoutez, ma mère m'a fait promettre que j'allais en prendre un. Mais généralement, il y a un livre, donc je ne me sens pas du tout à plaindre là non plus. D'accord. Mais mes livres sont tout petits, donc ils font pas peur. Alors, il y a un moment dans le texte qui a été lu par Amira Kazar où Petroni vous dit « Moi, les livres des écrivains contemporains me tombent des mains. » Et vous... Je lui laisse l'entière responsabilité voilà. de ses propos. Et même, vous sauvez les auteurs contemporains en disant « Je tentais de la convaincre qu'elle avait tort en lui parlant avec éloge d'un grand nombre de plumes vivantes. » Alors, quelles sont les quelques plumes vivantes avec lesquelles vous dont vous aimez les livres et avec lesquels vous aimeriez boire une coupe de champagne. Oh, mais il y en a beaucoup. Alors, par exemple, ici, je peux dire le nom de l'écrivain chinois qui met une demi-heure par dédicace, c'est François Cheng. Voilà, quelqu'un d'exquis et dont je recommande absolument les livres avec le dernier enthousiasme. Alors, Petroni elle-même, qui s'appelle en vérité Stéphanie Hochet, je recommande tous ses livres et je recommande sa compagnie. Je crois que ceux qui ont lu Petroni savent, ont compris que c'était une personne qui valait le détour. Il n'est plus vivant, mais il était vivant il y a encore peu de temps. Et c'est, je ne peux pas m'empêcher de le dire parce que j'ai appris aujourd'hui que je suis devenue académicienne aujourd'hui, mais académicienne belge, forcément. Je succède à Simon Leys, qui est décédé cet été. Et Simon Leys était et est toujours un écrivain que j'admire immensément. Et vous savez que se dire qu'on va succéder à Simon Leys, à son siège, ça donne envie de creuser un trou extrêmement profond et d'y disparaître. Mais malheureusement, ça ne va pas du tout se passer comme ça. Donc, si vous avez des idées pour le discours, je suis preneuse. Non, et bien d'autres écrivains, mais Houellebecq est un écrivain que je lis avec beaucoup, beaucoup d'estime. Je ne vais pas dire que c'est forcément ma lecture de chevet. Vous avez lu le dernier ? Je n'ai pas encore lu le dernier, mais j'ai bien l'intention de le lire cet été. Il est déjà prêt sur ma table de nuit pour mon lieu de vacances. Et bien d'autres encore. Donc non, il y a énormément d'écrivains vivants que je lis. Il y a aussi le japonais Haruki Murakami que j'avais chroniqué pour vous, souvenez-vous. Auteurs que j'avais chroniqué pour vous pendant quand vous étiez sont devenus des stars mondiales. Sont devenus des stars mondiales. Et qu'est-ce que c'était stressant de travailler pour vous. Vous n'imaginez pas, j'ai eu plus de tracas à écrire les articles que j'ai écrits pour vous pendant toute une année. En même temps, ça valait le coup, parce que Murakami, avant que vous le chroniquiez dans le monde des livres, était une petite signature de... Un obscur inconnu, tandis que maintenant, occulte. Il est devenu l'écrivain connu que tout le monde sait. Mmh. Ça valait le coup de vous harceler un peu. Mais c'est vrai que j'ai adoré cet exercice, mais c'était très difficile. Je m'étais fixé comme règle de base de ne parler que d'écrivains que j'aimerais. Pour m'épargner les facilités de la démolition. Et du coup, c'était extrêmement difficile. Enfin, je pense que vous n'en avez pas un trop mauvais souvenir. Délicieux. Puisque vous parlez du Japon, vous savez, on a beaucoup évoqué sur cette scène avec Julia Kristeva, mais aussi avec Linda Lee, la question de l'exil, la question de la langue maternelle, en même temps de cette langue maternelle qui n'appartient jamais, qu'on ne peut vraiment jamais posséder. Et vous-même, vous avez grandi entre le Japon, donc vous êtes né, la Chine, les États-Unis, le Bangladesh. Vous parlez de cette langue fantôme qui vous habite. Et vous nous aviez donné, d'ailleurs, au moment du Salon du Livre sur le Japon, un très beau texte sur ce pays, en disant que ce qui finalement vous avait fondé, c'était pas un travail de deuil, mais le manque de Japon. C'était pas le Japon, mais plutôt le manque de Japon. Oui. C'est-à-dire, tout être aimé devient pour moi le Japon. Et la question que je voulais vous poser, c'est justement quelle est cette langue maternelle qui vous a échappé et quelle est pour vous aussi, comme quelque part pour Julia Kristeva ou Linda Lee, chacune à sa manière, quelle est cette langue de l'exil qui finalement demeure votre seule patrie? C'est très compliqué, ce n'est jamais qu'une des composantes de la langue que je parle, mais c'est une composante qui existe. Ma langue fantôme, eh bien, c'est le japonais que je parlais avec ma maman japonaise, qui était donc une femme très simple, qui s'appelle Nishio-san. J'ai appris en même temps à parler le français et le japonais, sans être sûre de très bien savoir qu'il s'agissait de deux langues distinctes, mais sachant qu'il fallait parler une de ces langues avec l'une de mes deux mères et l'autre avec l'autre mère. Donc, j'avais une situation de double vie. Je suis née dans une situation déjà de double vie, déjà. Et je me souviens que j'ai tout de suite eu une culpabilité avec ça, parce que j'ai tout de suite senti que ce n'était pas comme ça que ça devait se passer. Donc, déjà, j'étais dans la clandestinité, puisque je cachais à la mère japonaise que je parlais le français, et je cachais à la mère belge que je parlais le japonais. Et en fait, j'avais tout à fait tort, parce que, aux périodes bénies de ma vie, j'avais affaire à deux femmes tout à fait compréhensives qui ne s'offusquaient absolument pas de cette situation. Et ma mère comprenait très bien que j'aime Nishio-san autant qu'elle. Et Nishio-san comprenait très bien que j'aime ma mère belge autant qu'elle. Mais n'en ai pas moins gardé une certaine pratique de la clandestinité qui s'est révélée linguistiquement. C'est-à-dire que quand j'ai quitté le Japon, quand j'ai été arrachée du Japon à l'âge de 5 ans, ça a été vraiment le choc fondateur de ma vie. Et très vite, j'ai, malgré mon désir ardent de le retenir, très vite j'ai oublié le japonais. Et sans le reconnaître, mais je me rendais compte que la langue s'éloignait. Je pense qu'il en restait quelque chose, mais je ne savais pas comment. Je suis retournée au Japon à l'âge de 21 ans, et là, le japonais est revenu extrêmement vite. C'était comme une marée qui revenait très vite, mais c'était un japonais d'enfant, donc il me fallait apprendre un japonais d'adulte. Je suis restée 2 années au Japon. Il s'est passé quelques désastres racontés dans Stupeur et tremblement, ni d'Ève ni d'Adam, qui m'ont fait comprendre que finalement j'étais beaucoup moins japonaise que je ne l'avais escompté. Et je me suis enfuie du Japon avec pour la première fois la résignation de devenir belge. Et là, de nouveau, la langue a commencé comme une marée à reculer. Mais maintenant, je ne suis plus dupe. Je sais que cette langue est quelque part. Quand je suis retournée au Japon en 2012 pour le tournage du documentaire, là, je n'y suis restée que 9 jours. C'était très court, mais rien qu'en 9 jours, je sentais la marée qui montait, qui montait, qui montait. Donc maintenant, je sais qu'il existe en moi cette langue fantôme. Et je ne sais pas exactement comment elle se concrétise, mais ce n'est pas possible qu'une chose aussi importante existe en moi sans se matérialiser d'une ou une autre façon dans mon écriture. Alors, une des grandes différences entre le français, j'ai failli dire le belge, excusez-moi, et le japonais, c'est la place du verbe. En japonais, comme souvent en latin, comme en allemand, le verbe est repoussé à la toute fin. Toute phrase est un peu un suspense dont on attend enfin la nature de l'action, et l'action est révélée par le dernier mot. Et je sens toujours le verbe comme la partie essentielle de ma phrase, et je pense que ça vient en grande partie de là, de la position stratégique du verbe dans la phrase japonaise. Alors vous avez cité Ni d'Ève ni d'Adam, qui est un très beau roman qui était paru, je crois, vers 2006-2007, toujours chez Albin Michel, donc. Et dans ce livre, il y a à nouveau la rencontre avec une jeune personne. Là, c'est un jeune tokyoïde de 20 ans. Et là, c'est moins autour de l'alcool qu'autour de la nourriture et de repas très, très poétiques, comme c'est-à-dire ça. C'est-à-dire que là, on se situe des beignets de pissenlit, des flans de fruits de mer. Oui, là, c'était une période assez tragique de mon existence qui, heureusement, est tout à fait révolue. Je ne buvais pas à ce moment-là. Ça s'est arrangé. Mais il y a un point commun, quand même, dans une forme de désastre commun, qui est qu'il y a chez vous cette conception de la littérature ou même de l'écriture comme convivialité autour de l'alcool ou autour, sans excès, ou autour de la nourriture, d'un repas poétique. Parce que là, c'est très poétique, les repas dans Ni d'Ève ni d'Adam. J'aime qu'écrire soit un acte de plaisir, et une des meilleures façons que ce soit un acte de plaisir, c'est de raconter d'autres plaisirs. C'est un art japonais, c'est aussi un art français. Les Français excellent aussi à cet exercice. Les Français ne le font pas uniquement en littérature, d'ailleurs. J'adore dîner ou déjeuner avec des Français parce qu'ils parlent de nourriture en mangeant. Ils parlent toujours de ce qu'ils ont eu au dîner précédent comme d'une nourriture infiniment supérieure à celle que l'on est en train de manger, ce qui fait que je passe mon temps à me dire quel dommage qu'ils ne m'aient pas invité précisément au dîner précédent. Donc ça donne aussi un vertige temporel. Et je pense aussi que dans mes livres, j'essaye de reconstituer le dîner précédent dans l'idée d'y avoir enfin assisté. Oui, ou la cuite précédente. Parce que oui. On retrouve chez vous vraiment l'idée, la vieille idée à la fois. Vous savez que chez les philosophes comme chez les écrivains, l'idée que l'alcool à nouveau consommé sans excès aiguise la conscience. Aiguise oui. la conscience. Et consommer avec excès encore plus, si vrai. Vous voulez mon avis. Vous savez qu'Emmanuel Kant, qui avait beaucoup de points communs avec vous, offrait une demi-bouteille à chacun de ses convives. Dès qu'on arrivait chez Kant. Ah, ça c'est magnifique. Oui. Mais je pensais que vous alliez dire à chacun de ses lecteurs. Là, j'étais en train de me dire que finalement j'allais m'y mettre. Mais Donc avec cette idée qu'effectivement la faculté de l'imagination est aiguisée et intensifiée par l'alcool. Oui, c'est tout à fait vrai. Et en même temps, j'ai essayé la simultanéité. Ça ne marche pas. Écrire en état d'ivresse, c'est enfin, pour moi du moins, parfaitement impossible. Je sais que de très grands écrivains tels que Bukowski y ont ô combien réussi. C'est pour moi, ce sont des dieux. Comment faire pour écrire au moment même de l'ivresse? Donc, je diffère l'ivresse d'écrire et l'ivresse de boire. Dieu merci, j'ai tendance à avoir une bonne mémoire de mes cuites. Donc, je ne dois pas prendre de notes pendant la cuite, ce qui d'ailleurs gâterait beaucoup la cuite. Alors, évidemment, il y a aussi une portée spirituelle de l'alcool. Oui. Et vous avez raconter que finalement vous avez toujours eu un rapport très fort à Dieu dans une forme de mysticisme, pas vraiment d'institution, mais de mysticisme. Vous êtes né dans une famille très catholique, mais en même temps, oui, vos parents venaient de perdre la foi quand vous êtes né. Et vous avez un adverbe comme ça que je trouve très beau. Vous dites, je suis probablement une catholique. Je suis probablement une catholique. Et pour vous, la façon de partager non seulement l'alcool, mais la correspondance avec vos lecteurs correspond à une manière de vivre, et une phrase que vous aimez beaucoup dans la Bible, qui est de dire « si on frappe à ta porte, ouvre ». Oui. Et donc là, il y a cette, on tourne toujours autour de cette idée de la convivialité, de la disponibilité, de l'ouverture dans le oui. rapport au lecteur. Oui, je dis probablement une catholique parce que c'est vrai que je viens d'une famille qui est toujours la famille la plus catholique de Belgique, bon, à l'exception de mes parents encore, que leur cas soit très ambigu. Et que même si je n'ai pas été élevée dans cette idée, on ne parlait que de ça à la maison. Comme mes parents venaient de perdre la foi, que c'était un tel scandale qu'on les avait élevés dans ces croyances. Mais du coup, ils ne parlaient que de ces croyances. Donc du coup, ça a très vite attiré mon attention et j'ai très vite lu le livre qui s'est révélé assez intéressant. Et qui est un livre dans lequel il y a bien sûr toutes sortes de choses, mais dans lequel il y a aussi beaucoup de convivialité et des choses que j'adore. Par exemple, les noces de Cana. Moi, je suis une fanatique des noces de Cana. C'est dans l'Apocalypse, donc dans l'Évangile selon Saint Jean. Le premier miracle raconté, c'est les noces de Cana. Or, les noces de Cana, pour ceux qui ne le sauraient pas, en quoi consiste ce miracle? Il s'agit d'eau transformée en vin pour un mariage. C'est génial. C'est d'autant plus génial que c'est le premier miracle signalé. Or, on peut quand même se douter que le Christ, se baladant en Judée, croisait des lépreux, enfin, voyait des tragédies, des orphelins, enfin... Eh ben non, la première fois qu'il fait un miracle, c'est pour changer de l'eau en vin. Comment cette histoire ne me serait-elle pas infiniment sympathique? D'autant plus qu'il est stipulé qu'il s'agit d'un vin exquis. Donc, c'est vrai que j'aime bien cette histoire. J'ai pas réussi avec vous, hein, ça... Mais de quel point de vue? Je n'ai pas encore réussi à changer cette eau en vin. Ah non, oui. Mais peut-être que dans quelques minutes. Patience. Bon, je voudrais essayer de casser un peu l'ambiance. Et je vous en prie. Donc, puisque vous avez un rapport à la religion, en tout cas à la foi, ou à un certain mysticisme dont vous parlez, vous devez être sensible, j'imagine, au retour de flamme très fort et même très violent d'une certaine forme de religion, en tout cas de fanatisme dans l'espace public et sur la scène politique, non seulement française, mais mondiale. Et comme vous le savez, il y a cette chose absolument incroyable, cette espèce de fulgurante coïncidence ou atroce coïncidence qui fait que dans la vidéo où Amédi Coulibaly revendique son attentat contre l'hypercachère de la porte de Vincennes, dans cette vidéo dont on sait à quel point elles sont pensées, mises en scène, etc., de façon extrêmement perverse et en même temps très précise, juste derrière lui, on voit quelques livres dont Hygiène de l'assassin, votre livre à vous. Ça jette un froid, évidemment. Bon, je tiens à signaler que je ne suis pas le seul livre de la bibliothèque de Coulibaly. Et il y avait aussi, je pense, La Fée Carabine. Et puis un troisième. Daniel Pénac, je crois. Oui, c'est ça. Enfin, bref. Et mais justement, dans Hygiène de l'assassin, j'expose ma théorie de la lecture. Je dis que... Rares sont les gens qui savent vraiment lire, c'est-à-dire qui lisent un texte au point de se laisser changer par ce texte. Et ce qui est certain, c'est que, à supposer que Coulibaly ait ouvert Hygiène de l'assassin, ce dont je doute profondément, mais à supposer même qu'il l'ait lu, Il est un de ces tragiques exemples de lecteurs grenouilles que j'expose dans Hygiène de l'assassin, c'est-à-dire des gens capables de lire des livres et de n'en retirer strictement rien. Je pense que justement, s'il avait vraiment lu Hygiène de l'assassin, ou n'importe quel autre livre d'ailleurs, mais pourquoi pas Hygiène de l'assassin, il fait aussi bien l'affaire qu'un autre. S'il l'avait vraiment lu comme avec une posologie de la lecture telle que je la recommande, eh bien, il n'aurait certainement pas commis un acte aussi abominable et stupide et barbare. J'ai de très grandes espérances en la lecture. Je crois que la lecture profondément pratiquée guérit à peu près tous les maux, sauf l'alcoolisme. Dieu vous entende. Écoutez, Amélie Nothomb, merci beaucoup. Et Amira Kazar, voilà, on l'a accueillie. Merci. C'était Voix de femmes, Amélie Nothomb, Amira Kazar. Une manifestation proposée par France Culture, l'Odéon Théâtre de l'Europe et le Monde des Livres. Jean Birnbaum, rédacteur en chef du Monde des Livres, s'entretenait avec Amélie Nothomb. Amira Kazar lisait des extraits de Petroni d'Amélie Nothomb, livre paru aux éditions Albin Michel. Remerciements à Marilène Boulan et aux équipes de l'Odéon Théâtre de l'Europe. Remerciements à Caroline Oisana, conseillère littéraire, service des fictions de France Culture. Équipe de réalisation pour France Culture, Jean-Pierre Zing, Clotilde Thomas, Félix Levacher et Baptiste Guiton. Pour cette soirée, nous vous proposons de réécouter un extrait du Marathon des mots du 29 juin 2013 consacré à Amélie Nothomb. C'était à Saint-Pierre-des-Cuisines, à Toulouse. Nicole Garcia lisait des extraits de Métaphysique des tubes, publié chez Albin Michel, dans une réalisation de Isabelle Huel. Au commencement, il n'y avait rien. Et ce rien n'était ni vide ni vague. Il n'appelait rien d'autre que lui-même. Et Dieu vit que cela était bon. Pour rien au monde, il n'eût créé quoi que ce fût. Le rien faisait mieux que lui convenir. Il le comblait. Dieu avait les yeux perpétuellement ouverts et fixes. S'ils avaient été fermés, cela n'eût rien changé. Il n'y avait rien à voir. Et Dieu ne regardait rien. Il était plein et dense comme un œuf dur, dont il avait aussi la rondeur et l'immobilité. Dieu était l'absolue satisfaction. Il ne voulait rien, n'attendait rien, ne percevait rien, ne refusait rien et ne s'intéressait à rien. La vie était à ce point plénitude qu'elle n'était pas la vie. Dieu ne vivait pas. Il existait. Son existence n'avait pas eu pour lui de début perceptible. Certains grands livres ont des premières phrases si peu tapageuses qu'on les oublie aussitôt et qu'on a l'impression d'être installé dans cette lecture depuis l'aube des temps. Semblablement, il était impossible de remarquer le moment où Dieu avait commencé à exister. C'était comme s'il avait existé depuis toujours. Dieu n'avait pas de langage. Il n'avait donc pas de pensée. Il était satiété et éternité. Et tout ceci prouvait au plus haut point que Dieu était Dieu. Et cette évidence n'avait aucune importance car Dieu se fichait éperdument d'être Dieu. Les yeux des êtres vivants possèdent la plus étonnante des propriétés, le regard. Qu'est-ce que le regard ? C'est inexprimable. Aucun mot ne peut approcher son essence étrange. Et pourtant, le regard existe. Il y a même peu de réalité qui existe à ce point. Quelle est la différence entre les yeux qui ont un regard et les yeux qui n'en ont pas ? Cette différence a un nom, c'est la vie. La vie commence là où commence le regard. Dieu n'avait pas de regard. Les seules occupations de Dieu étaient la déglutition, la digestion et, conséquence directe, l'excrétion. Ces activités végétatives passaient par le corps de Dieu sans qu'il s'en aperçoive. La nourriture, toujours la même, n'était pas assez excitante pour qu'il la remarque. Le statut de la boisson n'était pas différent. Dieu ouvrait tous les orifices nécessaires pour que les aliments solides et liquides le traversent. C'est pourquoi, à ce stade de son développement, nous appellerons Dieu le tube. Il y a une métaphysique des tubes. Slavomir Morzek a écrit sur les tuyaux des propos dont on ne sait s'ils sont confondants de profondeur ou superbement désopilants. Peut-être sont-ils tout cela à la fois. Les tubes sont de singuliers mélanges de plein et de vide, de la matière creuse, une membrane d'existence protégeant un faisceau d'inexistence. Le tuyau est la version flexible du tube, cette mollesse ne le rend pas moins énigmatique. Dieu avait la souplesse du tuyau, mais demeurait rigide et inerte. Confirmant ainsi sa nature de tube, il connaissait la sérénité absolue du cylindre. Il filtrait l'univers et ne retenait rien. Les parents du tube étaient inquiets. Ils convoquèrent des médecins pour qu'ils se penchent sur le cas de ce segment de matière qui ne semblait pas vivre. Les docteurs le manipulèrent, lui donnèrent des tapes sur certaines articulations pour voir s'il avait des mécanismes de réflexe et constatèrent qu'il n'en avait pas. Les yeux du tube ne scièrent pas quand les praticiens les examinèrent avec une lampe. Cet enfant ne pleure jamais, ne bouge jamais, aucun son ne sort de sa bouche, dirent les parents. Les médecins diagnostiquèrent une apathie pathologique, sans se rendre compte qu'il y avait là une contradiction dans les termes. Votre enfant est un légume. C'est très préoccupant. Les parents furent soulagés par ce qu'ils prirent pour une bonne nouvelle. Un légume, c'était de la vie. Il faut l'hospitaliser, décrétèrent les docteurs. Les parents ignorèrent cette injonction. Ils avaient déjà deux enfants qui appartiennent à la race humaine. Ils ne trouvaient pas inacceptable d'avoir en surplus de la progéniture végétale. Ils en étaient presque attendris. Ils l'appelèrent gentiment la plante. En quoi tous se trompaient ? Car les plantes, légumes compris, pour avoir une vie imperceptible à l'œil humain, n'en ont pas moins une vie. Elles frémissent à l'approche de l'orage, pleurent d'allégresse au lever du jour, se blindent de mépris lorsqu'on les agresse, et se livrent à la danse et cette voile quand la saison est au pollen. Elles ont un regard, c'est hors de doute, même si personne ne sait bien où sont leurs pupilles. Le tube, lui, était passivité pure et simple. Rien ne l'affectait. Ni les changements de climat, ni la tombée de la nuit, ni les 100 petites émeutes du quotidien, ni les grands mystères indicibles du silence. Les parents s'amusaient du flegme de leur plante et décidèrent de le mettre à l'épreuve. Ils cesseraient de lui donner à boire et à manger jusqu'à ce qu'elle réclame. Ainsi, elle finirait bien par être forcée de réagir. Tels furent pris qui croyaient prendre. Le tube accepta l'inanition comme il acceptait tout, sans l'ombre d'une désapprobation ou d'un assentiment. Manger ou ne pas manger, boire ou ne pas boire, cela lui était égal. Être ou ne pas être, telle n'était pas sa question. Au terme du troisième jour, les parents effarés l'examinèrent. Il avait un peu maigri et ses lèvres entrouvertes étaient desséchées, mais il n'avait pas l'air de se porter plus mal. Ils lui administrèrent un biberon d'eau sucrée qu'il engloutit sans passion. Cet enfant se serait laissé mourir sans se plaindre, dit la mère horrifiée. N'en parlons pas au médecin, dit le père. Il nous trouverait sadiques. De fait, les parents n'étaient pas sadiques. Simplement épouvantés de constater que leur rejeton était dépourvu d'instinct de survie. Les effleura l'idée que leur bébé n'était pas une plante, mais un tube. Ils rejetèrent aussitôt cette idée insoutenable. Il était dans la nature de ses parents d'être insouciants, et ils oublièrent l'épisode du jeûne. Ils avaient 3 enfants, un garçon, une fille et un légume. Cette diversité leur plaisait d'autant plus que les 2 aînés ne cessaient de courir, de sauter, de crier, de se disputer et d'inventer de nouvelles bêtises. Il fallait toujours être derrière eux pour les surveiller. Avec leur dernier, au moins, ils n'avaient pas ce genre de soucis. On pouvait le laisser des journées entières sans babysitter, on le retrouvait le soir dans une position identique au matin. On changeait son linge, on le nourrissait, c'était fini. Un poisson rouge dans un aquarium leur eût donné plus de tracas. En outre, n'était son absence de regard, le tube était d'apparence normale. C'était un beau bébé, calme, qu'on pouvait montrer aux invités sans en rougir. Les autres parents étaient même jaloux. En vérité, Dieu était l'incarnation de la force d'inertie, la plus forte des forces, la plus paradoxale des forces aussi. Quoi de plus bizarre que cet implacable pouvoir qui émane de ce qui ne bouge pas? La force d'inertie, c'est la puissance du larvaire. Quand un peuple refuse un progrès facile à mettre en œuvre, quand un véhicule poussé par 10 hommes reste sur place, quand un enfant s'avachit devant la télévision pendant des heures, quand une idée dont on a prouvé l'inanité continue à nuire, on découvre, médusé, l'effroyable emprise de l'immobile. Tel était le pouvoir du tube. Il ne pleurait jamais. Même au moment de sa naissance, il n'avait émis aucune plainte, aucun son. Sans doute ne trouvait-il le monde ni bouleversant ni touchant. Au commencement, la mère avait essayé de lui donner le sein. Aucune lueur ne s'était éveillée dans l'œil du bébé à la vue de la mamelle nourricière. Il resta nez à nez avec cette dernière, sans en rien faire. Vexée, la mère lui glissa le téton dans la bouche. Ce fut à peine si Dieu le suça. La mère décida alors de ne pas l'allaiter. Elle avait raison. Le biberon correspondait mieux à sa nature du tube, qui se reconnaissait dans ce récipient cylindrique, quand la rotondité mammaire ne lui aspirait aucun lien de parenté. Ainsi, la mère le biberonnait plusieurs fois par jour, sans savoir qu'elle assurait de la sorte la connexion entre 2 tubes. L'alimentation divine relevait de la plomberie. Tout coule, toute émouvance, on ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve, etc., etc. Le pauvre Héraclite se fut suicidé s'il avait rencontré Dieu, qui était la négation de sa vision fluide de l'univers. Si le tube avait possédé une forme de langage, il lui rétorquait au penseur d'Éphèse « Tout se fige, tout est inertie, on se baigne toujours dans le même marécage, etc. etc. » Heureusement, aucune forme de langage n'est possible sans l'idée du mouvement qui en est l'un des moteurs initiaux. Et aucune espèce de pensée n'est possible sans langage. Les concepts philosophiques de Dieu n'étaient donc ni pensables ni communicables. Ils ne pouvaient par conséquent nuire à personne et cela était bon, car de tels principes eussent sapé le moral de l'humanité pour longtemps. Les parents du tube étaient de nationalité belge. Par conséquent, Dieu était belge. Ce qui expliquait pas mal de désastres depuis l'aube des temps. Il n'y a là rien d'étonnant. Adam et Ève parlaient flamand, comme le prouva scientifiquement un prêtre du plat pays il y a quelques siècles. Le tube avait trouvé une solution ingénieuse aux querelles linguistiques nationales. Il ne parlait pas, il n'avait jamais rien dit, il n'avait même jamais produit le moindre son. Ce n'était pas tant son mutisme qui inquiétait ses parents que son immobilité. Il atteignit l'âge d'un an sans avoir esquissé son premier mouvement. Les autres bébés faisaient leur premier pas, leur premier sourire, leur premier quelque chose. Dieu, lui, ne cessait d'effectuer son premier rien du tout. Cela était d'autant plus étrange et qu'il grandissait. Sa croissance était d'une normalité absolue. C'était le cerveau qui ne suivait pas. Les parents le considéraient avec perplexité. Il y avait dans leur maison un néant qui prenait de plus en plus de place. Bientôt, le berceau devint trop petit. Il fallut transplanter le tube dans le lit cage qui avait déjà servi aux frères et à la sœur. Ce changement va peut-être l'éveiller, espéra la mère. Ce changement ne changea rien. Depuis le commencement de l'univers, Dieu dormait dans la chambre de ses parents. Il ne les gênait pas, c'était le moins qu'on puisse dire. Une plante verte eût été plus bruyante. Il ne les regardait même pas. Le temps est une invention du mouvement. Celui qui ne bouge pas ne voit pas le temps passer. Le tube n'avait aucune conscience de la durée. Il atteignit l'âge de 2 ans comme il eût atteint celui de 2 jours ou de 2 siècles. Il n'avait toujours pas changé de position, ni même tenté d'en changer. Il demeurait couché sur le dos, les bras le long du corps, comme un gisant minuscule. La mère le prit alors par les aisselles pour le mettre debout. Le père plaça les petites mains sur les barreaux du liquage pour qu'il ait l'idée de s'y tenir. Ils lâchèrent l'édifice ainsi obtenu. Dieu retomba en arrière et, nullement affecté, continua sa méditation. « Il lui faut de la musique, » dit la mère. « Les enfants aiment la musique. » Mozart, Chopin, les disques des 101 Dalmatiens, les Beatles, le shakuhachi produisirent sur sa sensibilité une identique absence de réaction. Les parents renoncèrent à faire de lui un musicien. Ils renoncèrent d'ailleurs à en faire un être humain. Le regard est un choix. Celui qui regarde décide de fixer sur telle chose et donc forcément d'exclure de son attention le reste de son champ de vision. C'est en quoi le regard, qui est l'essence de la vie, est d'abord un refus. Vivre signifie refuser. Celui qui accepte tout ne vit pas plus que l'orifice du lavabo. Pour vivre, il faut être capable de ne plus mettre sur le même plan au-dessus de soi la maman et le plafond. Il faut refuser l'un des deux pour choisir de s'intéresser soit à la maman, soit au plafond. Le seul mauvais choix est l'absence de choix. Dieu n'avait rien refusé parce qu'il n'avait rien choisi. Et c'est pourquoi il ne vivait pas. Les bébés, au moment de leur naissance, crient. Ce hurlement de douleur est déjà une révolte, et cette révolte déjà un refus. C'est pourquoi la vie commence au jour de la naissance et non avant, quoi qu'en disent certains. Le tube n'avait pas émis le moindre décibel lors de l'accouchement. Les médecins avaient pourtant déterminé qu'il n'était ni sourd, ni aveugle, ni muet. C'était seulement un lavabo auquel manquait le bouchon. S'il avait pu parler, il eût répété sans trêve ce mot unique « oui ». Personne ne veut croire aux accidents. La théorie des accidents est inacceptable, car elle laisse supposer que les choses auraient pu se passer autrement. Les gens n'admettent pas l'idée qu'un enfant d'un an n'ait pas l'idée de marcher. Cela reviendrait à admettre que l'homme aurait pu ne pas avoir l'idée de marcher sur deux pattes. Et qui pourrait croire qu'une espèce aussi brillante aurait pu ne pas y songer ? Le tube à 2 ans n'avait même pas essayé le quadrupédisme, ni d'ailleurs le mouvement. Il n'avait jamais essayé le son non plus. Les adultes en déduisaient qu'il y avait un blocage dans son évolution. Jamais ils n'auraient pu en déduire que le bébé n'avait pas encore connu d'accident. Car qui pourrait croire que sans accident, l'homme resterait parfaitement inerte ? Il y a les accidents physiques et les accidents mentaux. Les gens nient carrément l'existence de ces derniers. On n'en parle jamais comme moteur de l'évolution. Or, il n'y a rien d'aussi fondamental dans le devenir humain que les accidents mentaux. L'accident mental est une poussière entrée par hasard dans l'huître du cerveau, malgré la protection des coquilles closes de la boîte crânienne. Soudain, la matière tendre qui vit au cœur du crâne est perturbée, affolée, menacée par cette chose étrangère qui s'y est glissée. L'huître qui végétait en paix déclenche l'alarme et cherche une parade. Elle invente une substance merveilleuse, la nacre. On enrobe l'intruse particule pour se l'incorporer et crée ainsi la perle. Il peut aussi arriver que l'accident mental soit sécrété par le cerveau lui-même. Ce sont les accidents les plus mystérieux et les plus graves. Une circonvolution de matière grise, sans motif, donne naissance à une idée terrible, à une pensée effarante, et en une seconde, c'en est fini pour toujours de la tranquillité de l'esprit. Le virus opère, impossible de l'enrayer. Alors, contraint et forcé, l'être sort de sa torpeur. Mais non, non seulement il n'en sort pas, mais il empire son cas. Plus il parle, moins il comprend, et plus il marche, plus il fait du surplace. Très vite, il regrettera sa vie larvaire sans oser se l'avouer. Il existe pourtant des êtres qui ne subissent pas la loi d'évolution, qui ne rencontrent pas d'accident fatal. Ce sont les légumes cliniques. Les médecins se penchent sur leur cas. En vérité, ils sont ce que nous voudrions être. C'est la vie qui devrait être tenue pour un mauvais fonctionnement. C'était un jour ordinaire. Il ne s'était rien passé de spécial. Les parents exerçaient leur métier de parents. Les enfants exécutaient leur mission d'enfant. Le tube se concentrait sur sa vocation cylindrique. Et ce fut pourtant le jour le plus important de son histoire. Comme tel, on n'en a gardé aucune trace. Semblablement, on n'a conservé aucune archive du jour où un homme s'est mis debout pour la première fois, ni du jour où un homme a enfin compris la mort. Les événements les plus fondamentaux de l'humanité sont passés presque inaperçus. Soudain, la maison se mit à retentir de hurlements. La mère et la gouvernante, d'abord pétrifiées, cherchèrent l'origine de ces cris. Un singe s'était-il introduit dans la demeure ? Un fou s'était-il échappé d'un asile ? En désespoir de cause, la mère alla regarder dans sa chambre et ce qu'elle vit la stupéfia. Dieu était assis dans son litage et hurlait autant qu'un bébé de 2 ans peut hurler. La mère s'approcha de la scène mythologique. Elle ne reconnaissait plus ce qui, pendant 2 années, avait constitué un spectacle si apaisant. Il avait toujours eu ses yeux grands ouverts et fixes, de sorte que la couleur gris-vert en avait été facile à identifier. À présent, ses pupilles étaient entièrement noires. D'un noir de paysage incendié. Qu'avait-il pu y avoir d'assez fort pour brûler ses yeux pâles et les rendre noirs comme du charbon ? Qu'avait-il pu se passer d'assez terrible pour le réveiller d'un si long sommeil et le transformer en cette machine à crier ? La seule évidence était que l'enfant était furieux. Une colère fabuleuse l'avait tiré de sa torpeur, et si personne n'en connaissait l'origine, le motif devait en être grave, au vu de son ampleur. La mère, fascinée, vint prendre son rejeton dans ses bras, elle eut aussitôt le déposé dans le liquage, car il gesticulait de tous ses membres, et la cognait. Elle courut dans la maison en clamant « La plante n'est plus une plante !» Elle appela le père pour qu'il vienne sur les lieux du phénomène. Son frère et sa sœur furent invités à s'extasier devant la sainte colère de Dieu. Après quelques heures, il cessa de hurler, mais ses yeux restèrent noirs de rage. Il eut un regard très fâché pour l'humanité qui l'entourait. Puis, épuisé par tant de mauvaise humeur, il s'allongea et s'endormit. La famille applaudit. Ce fut considéré comme une excellente nouvelle. L'enfant était enfin vivant. Comment expliquer cette naissance postérieure de 2 ans à l'accouchement? Aucun médecin ne trouva la clé du mystère. C'était comme s'il avait eu besoin de 2 années de grossesse extra-utérine supplémentaire pour devenir opérationnel. Oui, mais pourquoi cette colère? La seule cause que l'on puisse supposer était l'accident mental. Quelque chose était apparu dans son cerveau qui lui avait semblé insoutenable. Et en une seconde, la matière grise s'était mise en branle, des influx nerveux avaient circulé en cette chair inerte, et son corps avait commencé à bouger. Ainsi, les plus grands empires peuvent s'effondrer pour des motifs parfaitement inconnaissables. Et d'admirables enfants sont immobiles, comme des statues, peuvent en une chiquenaude se muer en bêtes braillardes. Le plus étonnant est que cela enchante les familles. Sic transit tubi gloria. Le père était aussi excité que si un 4e enfant lui était né. Il téléphona à sa mère qui demeurait à Bruxelles. La plante s'est réveillée. Prends un avion et viens. La grand-mère dit qu'elle allait se faire couper quelques nouvelles tailleurs avant de venir. C'était une femme très élégante. Cela ajournait sa visite de plusieurs mois. Entre-temps, les parents commençaient à regretter le légume d'antan. Dieu ne décolérait pas. Il fallait presque lui jeter son biberon de peur de recevoir un coup. Il pouvait se calmer pendant quelques heures, mais on ne savait jamais ce que cela présageait. Le scénario nouveau était celui-ci. On profitait d'un moment où il était tranquille pour prendre le bébé et le mettre dans son parc. Il restait d'abord hébété à contempler les jouets qui l'entouraient. Peu à peu, un vif désagrément s'emparait de lui. Il s'apercevait que ces objets existaient en dehors de lui, sans avoir besoin de son règne. Cela lui déplaisait et il criait. D'autre part, il avait observé que les parents et leurs satellites produisaient avec leur bouche des sons articulés bien précis. Ce procédé semblait leur permettre de contrôler les choses et de se les annexer. Il eut voulu faire de même. N'était-ce pas l'une des principales prérogatives divines que de nommer l'univers? Il désignait alors du doigt un jouet et ouvrait la bouche pour lui donner l'existence. Mais les sons qu'il produisait ne formaient pas des suites cohérentes. Il en était le premier surpris, car il se sentait tout à fait capable de parler. L'étonnement passé, il trouvait cette situation humiliante et intolérable. La colère s'emparait de lui et il se mettait à hurler de rage. Tel était le sens de ses cris. « Vous bougez vos lèvres et il en sort du langage. Je bouge les miennes, il n'en sort que du bruit. Cette injustice est insupportable, je gueulerai jusqu'à ce que ça se transforme en mots. » Enfin, telle était l'interprétation de la mère. Mais être encore un bébé à 2 ans, c'est pas normal. Il se rend compte de son retard et ça l'énerve. Faux. Dieu ne se trouvait absolument pas en retard. Qui dit retard dit comparaison. Dieu ne se comparait pas. Il sentait en lui un pouvoir gigantesque et s'offusquait de se découvrir incapable de l'exercer. Sa bouche le trahissait. Il ne doutait pas un instant de sa divinité et s'indignait que ses propres lèvres n'aient pas l'air au courant. La mère s'approchait de lui et prononçait des mots simples en articulant très fort « papa, maman ». Il était furieux qu'elle lui propose d'aussi sottes imitations. Ne savait-elle pas à qui elle avait affaire ? Le maître du langage, c'était lui. Jamais il ne s'abaisserait à répéter « maman et papa ». À titre de représailles, il hurlait de plus belle et de plus laide. Peu à peu, les parents commencèrent à évoquer leur ancien enfant. Avait-il gagné au change ? Ils avaient un rejeton mystérieux et calme et se retrouvaient avec un chiot d'Obermann. Tu te souviens comme elle était jolie, la plante, avec ses grands yeux sereins et les bonnes nuits qu'on passait. Ça en était fini de leur sommeil. Dieu était l'insomnie personnifiée. C'était à peine s'il dormait 2 heures par nuit. Et dès qu'il ne dormait pas, il manifestait sa colère par des cris. « Ça va ! » Le temps sait le père. « On le sait que tu viens de passer 2 années à roupiller. C'est pas une raison pour ne plus permettre à personne de dormir. » Dieu se conduisait comme Louis XIV. Il ne tolérait pas qu'on dorme s'il ne dormait pas, qu'on mange s'il ne mangeait pas, qu'on marche s'il ne marchait pas, et qu'on parle, s'il ne parlait pas. Ce dernier point, surtout, le rendait fou. Les médecins ne comprirent pas davantage ce nouvel état que le précédent. L'apathie pathologique s'était muée en irritabilité pathologique, sans qu'aucune analyse n'explique le diagnostic. Ils préféraient recourir à une sorte de bon sens populaire. C'est pour compenser les 2 années précédentes. Votre enfant finira bien par se calmer. Si je ne l'ai pas jeté par la fenêtre auparavant, pensait la mère exaspérée. Les tailleurs de la grand-mère furent prêts. Elle les mit dans une valise, passa chez le coiffeur et prit l'avion Bruxelles-Osaka, qui en 1970 effectuait le trajet en quelques 20 heures. Les parents l'attendaient à l'aéroport. Ils ne s'étaient pas vus depuis 1967. Le fils fut enlacé, la belle-fille fut congratulée et le Japon admiré. En chemin vers la montagne, on parla des enfants. Les 2 aînés étaient merveilleux. Le 3e était un problème. On n'en veut plus. La grand-mère assura que tout allait s'arranger. La beauté de la maison l'enchanta. Que c'est japonais ! S'exclama-t-elle en regardant la salle de tatami et le jardin qui, en ce mois de février, blanchissait déjà sous les pruniers en fleurs. Elle n'avait pas vu le frère et la sœur depuis 3 années. Elle s'extasia des 7 ans du garçon et des 5 ans de la fille. Elle demanda alors à être présentée au 3e enfant qu'elle n'avait encore jamais rencontré. On ne voulut pas l'accompagner dans l'antre du monstre. « C'est la première à gauche. Tu peux pas te tromper. » De loin, on entendait des hurlements rauques. La grand-mère prit quelque chose dans son sac de voyage et marcha courageusement vers la reine. 2 ans et demi. Cris, rage, haine. Le monde est inaccessible aux mains et à la voix de Dieu. Autour de lui, les barreaux du liquage, Dieu est enfermé. Il voudrait nuire et n'y parvient pas. Il se venge sur le drap et la couverture qu'il martèle à coups de pied. Au-dessus de lui, le plafond et ses fissures qu'il connaît par cœur. Ce sont ses seuls interlocuteurs. C'est donc à eux qu'il hurle son mépris. Visiblement, le plafond s'en fout. Dieu en est contrarié. Soudain, le champ de vision se remplit d'un visage inconnu et inidentifiable. Qu'est-ce que c'est ? C'est un humain adulte du même sexe que la mère, semble-t-il. La première surprise passée, Dieu manifeste son mécontentement par un long râle. Le visage sourit, Dieu connaît ça. On essaie de l'amadouer. Ça ne prend pas. Il montre les dents. Le visage laisse tomber des mots avec sa bouche. Dieu boxe les paroles au vol. Ses poings fermés rossent les sons et les mettent KO. Dieu sait qu'après, le visage essaiera de rendre, de tendre la main vers lui. Il a l'habitude, les adultes approchent toujours leurs doigts de sa figure. Il décide qu'il mordra l'index de l'inconnu. Il se prépare. En effet, une main apparaît dans son champ de vision, mais stupeur. Il y a entre ses doigts un bâton blanchâtre. Dieu n'a jamais vu ça et on oublie de crier. C'est du chocolat blanc, de Belgique, dit la grand-mère à l'enfant qu'elle découvre. De ces mots, Dieu ne comprend que blanc. Il connaît, il a vu ça sur le lait, les murs. Les autres vocables sont obscurs. Chocolat. Et surtout, Belgique. Entre-temps, le bâton est près de sa bouche. C'est pour manger, dit la voix. Manger, Dieu connaît. C'est une chose qu'il fait souvent. Manger, c'est le biberon. La purée avec des morceaux de viande. La banane écrasée avec la pomme râpée. Et le jus d'orange. Manger, ça sent. Ce bâton blanchâtre a une odeur que Dieu ne connaît pas. Ça sent meilleur que le savon et la pommade. Dieu a peur et envie en même temps. Il grimace de dégoût et salive d'envie, de désir. En un soubresaut de courage, il attrape la nouveauté avec ses dents, la mâche, mais ce n'est pas nécessaire. Ça fond sur la langue, ça tapisse le palais et on a plein la bouche. Et le miracle a lieu. La volupté lui monte à la tête, lui déchire le cerveau, et il fait retentir une voix qu'il ne l'avait jamais entendue. « c'est moi qui vis, c'est moi qui parle. Je ne suis pas il ni lui, je suis moi. Tu ne devras plus dire « il » pour parler de toi, tu devras dire « je ». Et je suis ton meilleur ami, c'est moi qui te donne le plaisir. » Ce fut alors que je naquis, à l'âge de 2 ans et demi, en février 1970, dans les montagnes du Kansai, au village de Shugugawa, sous les yeux de ma grand-mère paternelle, par la grâce du chocolat blanc. La voix qui, depuis, ne s'est jamais tue, continua à parler dans ma tête. C'est bon, c'est sucré, c'est onctueux, j'en veux encore. Je remordis dans le bâton en rugissant. Le plaisir est une merveille qui m'apprend que je suis moi. Moi, c'est le siège du plaisir. Le plaisir, c'est moi. Chaque fois qu'il y aura du plaisir, il y aura moi. Pas de plaisir sans moi. Pas de moi sans plaisir. Le bâton disparaissait en moi. Bouchée par bouchée, la voix hurlait de plus en plus fort dans ma tête. Vive moi! Je suis formidable comme la volupté que je ressens et que j'ai inventée. Sans moi, ce chocolat est un bloc de rien. Mais on le met dans ma bouche et il devient le plaisir. Il a besoin de moi. Cette pensée se traduisait par des éructations sonores de plus en plus enthousiastes. J'ouvrais des yeux énormes, je secouais les jambes de joie. Je sentais que les choses s'imprimaient dans une partie molle de mon cerveau qui gardait trace de tout. Morceau par morceau, le chocolat était entré en moi. Je m'aperçus alors qu'au bout de la friandise défunte, il y avait une main. Et qu'au bout de cette main, il y avait un corps surmonté d'un visage bienveillant. En moi, la voix dit « Je ne sais pas qui tu es, mais vu ce que tu m'as apporté à manger, tu es quelqu'un de bien. » Les deux mains soulevèrent mon corps du liquage et je fus dans des bras inconnus. Mes parents stupéfaits virent arriver la grand-mère souriante qui portait une enfant sage et contente. « Je vous présente ma grande amie, dit-elle, triomphante. » Je me laissais transbahuter de bras en bras avec bonté. Mon père et ma mère n'en revenaient pas de ma métamorphose. Ils étaient heureux et vexés. Ils questionnèrent la grand-mère. Celle-ci se garda bien de révéler la nature de l'arme secrète à laquelle elle avait recouru. Elle préféra laisser planer un mystère. On lui supposa des dons de démonologie. Personne n'avait prévu que la bête se rappellerait par son exorcisme. Les abeilles savent, elles, que seul le miel donne aux larves le goût de la vie. Elles ne mettraient pas au monde aussi ardentes butineuses en les nourrissant de purée avec des petits carrés de viande. Ma mère avait des théories sur le sucre qu'elle rendait responsable de tous les maux de l'humanité. C'est pourtant au poison blanc, ainsi le nommait-elle, qu'elle doit avoir un troisième enfant qui soit d'une humeur acceptable. Je me comprends. À l'âge de 2 ans, j'étais sortie de ma torpeur pour découvrir que la vie était une vallée de larmes où l'on mangeait des carottes bouillies avec du jambon. J'avais dû avoir le sentiment de m'être fait avoir. À quoi bon se tuer à naître si ce n'est pour connaître le plaisir ? Les adultes ont accès à 1000 sortes de voluptés, mais pour les enfants sont, il n'y a que la gourmandise qui puisse ouvrir les portes de la délectation. La grand-mère m'avait rempli la bouche de sucre. Soudain, l'animal furieux avait appris qu'il y avait une justification à tant d'ennuis, que le corps et l'esprit servaient à exulter et qu'il ne fallait donc pas en vouloir ni à l'univers entier, ni à soi-même d'être là. Le plaisir profita de l'occasion pour nommer son instrument. Il l'appela « moi ». Et c'est un nom que j'ai conservé. Il existe depuis très longtemps une immense secte d'imbéciles qui oppose sensualité et intelligence. C'est un cercle vicieux. Ils se privent de volupté pour exalter leur capacité intellectuelle, ce qui a pour résultat de les appauvrir. Ils deviennent de plus en plus stupides, ce qui les conforte dans leur conviction d'être brillants, car on n'a rien inventé de mieux que la bêtise pour se croire intelligent. La délectation rend humble et admiratif envers ce qui l'a rendu possible. Le plaisir éveille l'esprit et le pousse tant à la virtuosité qu'à la profondeur. C'est une si puissante magie qu'à défaut de volupté, l'idée de volupté suffit. Du moment qu'existe cette notion, l'être est sauvé. Mais la frigidité triomphante se condamne à la célébration de son propre néant. On rencontre dans les salons des gens qui se vantent haut et fort de s'être privés de telle ou telle délice pendant 25 ans. On rencontre aussi de superbes idiots qui se glorifient de ne jamais écouter de musique, de ne jamais ouvrir un livre ou de ne jamais aller au cinéma. Il y a aussi ceux qui espèrent susciter l'admiration par leur chasteté absolue. Il faut bien qu'ils en tirent vanité. C'est le seul contentement qu'ils auront dans leur vie. Vous écoutiez un extrait du Marathon des mots du 29 juin 2013 consacré à Amélie Nothomb. Nicole Garcia lisait des extraits de Métaphysique d'études publiés chez Albin Michel. Réalisation, Isabelle Huel.